cet été. On ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans l'émission qui est là et qui ne vous lâche pas durant cette petite période de fin de saison. On est là avec Terence Bernard qui est avec nous ce soir. Salut, ça va? Ça va et toi? Je suis très content. Ça va mieux que tout à l'heure. Oui, parce que je vous explique, on est dans les locaux de TMS Prod et Terence est en train de dormir dans les loges du studio d'à côté. Et alors il s'est endormi par terre. Ce qui est juste dingue, je sais même pas comment il a fait, puisqu'étant donné qu'il y avait un petit fauteuil à côté, il a préféré dormir par terre. Bah oui, comme ça je pouvais me coucher, j'avais le coussin et tout. Fin. Ouais, c'est ça. D'accord, bah au final, bah t'es réveillé et encore dans le gaz. Non, ça va, franchement ça va, j'ai bien dormi. J'ai dormi quoi, 4-5 heures? Ouais, sur la journée évidemment. Ce qui va nous permettre de faire un petit débat sur le sommeil d'ici quelques instants. Mais une des raisons principales pour laquelle t'as eu envie de dormir là? Je me suis trompé de médicament, j'ai pris ceux du soir au matin. Et donc c'est des médicaments qui me font dormir et voilà. Je vous le dis, ils sont puissants ces médicaments. Il est arrivé à TMS ici et j'ai vu, j'ai fait oh, mon dieu ça va toi. Pourtant j'avais déjà dormi 3 heures. C'est vrai? Mais oui. Ah bah la vache, ça se voyait pas. Non mais en tout cas, une tête comme ça, c'est que les médicaments doivent être forts quand même. Ah bon, oui. Mais en fait sans médicaments je peux pas dormir. D'accord. Et je les prends par contre, 3 quarts d'heure après je dors directement. C'est, ouais, c'est super fort. Ma mère une fois les a pris, moi je suis habitué donc voilà, j'ai un cycle normal. Mais une fois elle les a pris sans faire exprès, je sais pas comment elle a fait non plus. Elle a voulu tester. Elle a dormi 2 jours quoi. 2 jours? Enfin un jour et demi, ouais, elle a dormi toute la journée et toute la nuit. Elle était claquée même après le jour encore d'après. Peut-être tu me passeras ces médicaments, ce serait sympa quand j'ai des insomnies moi. On aurait plus d'émission. Oui, on aurait plus d'émission. Dès que je me suis levé à midi aujourd'hui en mode bon bah on est quel jour. Tu sais que samedi en sortant de la radio, j'ai été chez quelqu'un et en sortant de chez lui, il devait être 1h du matin, j'étais en train de traverser sur le passage piéton et je me dis mais putain, on est en quelle année? Je te jure que c'est vrai. Et j'étais là et je me disais attends, on est en 2017. Tu sais c'est que ça. Mais oui, moi le prof il s'est moqué de moi quand il a repris ma c'était les examens là il y a pas longtemps en juin. Ah oui, c'est vrai. Ça s'est bien passé. Oui ça s'est bien passé. Je passe mon année mais je verrai. Ah ben bravo. Félicitations. Attends, il faut qu'on prenne le temps de te féliciter. Ouais. Le public. Ouais. Voilà, c'est bon. OK, il y a du monde. Non mais forcément, bah oui, c'était juin, j'ai réussi mon année, mais je sais pas encore vraiment avec combien de pourcents, si ça s'est vraiment bien passé. Mais en tout cas, je passe, c'est déjà ça quoi. Et donc le prof, quand il a repris en fait ma fiche, il a vu que j'avais mis 2017. En fait, moi, il me faut un an pour me faire à l'idée qu'on est plus de la même année, mais c'est d'accord. Déjà l'année d'après quoi. Ok, donc... Quand je me ferai à l'idée qu'on est en 2018, en fait, on sera déjà en 2019. Moi, ça arrivait souvent, par exemple, moi je mettais sur mes copies, au lieu de mettre 2015, je mettais 2005. Ouais. J'oubliais le 1. Alors du coup... T'es dyslexique ou dyscalculique ou... Non du tout, je suis pas du tout dyslexique, c'est juste que... T'es juste fatigué. Voilà, la seule chose que je savais compléter sur mes interros, c'était mon nom, mon prénom et la date. Ouais, donc, voilà, du coup... c'est ça. Donc du coup, bah, je complétais ça et même ça, j'arrivais pas à le faire. Donc félicitations, les profs, quand ils me rendaient les copies, c'était genre ça. Moi, quand je sais pas quoi répondre, je mets des trucs totalement débiles pour faire rire la prof. Des fois, je me dis, bah, peut-être pour l'originalité, il y a peut-être moyen d'avoir 1 ou 2 points. Et à la fin, je mettais toujours, ne soyez pas trop méchante, on se revoit en août. Mais ils te mettaient des points, genre une tache de stylo sur ta feuille, et c'est tout ce qu'ils pouvaient faire pour toi, je pense. Non, ils faisaient un rond avec un petit bonhomme. Ouais, j'ai eu ça aussi, on est passé par la même par la même école. On aura par contre, au contraire, une fois j'avais fait un super bon examen, j'avais tout bien réussi. Enfin, tu pensais avoir tout réussi? Non, j'avais bien répondu dans tout, mais il y avait 1 ou 2 questions. Mais c'était pas un examen, c'était un contrôle. Mais il y avait 1 ou 2 questions que je savais pas quoi répondre. Du coup, j'ai mis aussi des trucs débiles pour la faire rire. Mais finalement, j'ai eu des 0 parce qu'elle a dit on ne se moque pas du professeur. Donc, ah, d'accord. C'est 50-50 quoi. Ah oui, ok. Ouais, soit ça passe ou soit ça casse quoi. Ouais, voilà, c'est pile ou face. On tente des trucs. Mais alors, je me souviens une fois, j'ai mis sur une de mes copies, ça remonte un petit peu quand même. J'avais écrit corriger quand même la copie après avoir bu un bon gros verre de vin. Car je pense qu'il en faudra bien pour pouvoir corriger ça plus ou moins correctement, histoire que j'ai quelques points. Et là, je vois la prof qui me rend la feuille en me disant Tu sais, les problèmes d'alcool dans la vie, c'est jamais top. Alors si en plus des élèves pour se moquer de ça... Mais c'était pas du tout mon intention, mais en fait, la personne l'a trop mal pris, a cru que je me foutais de sa gueule, parce que je savais apparemment que la personne avait des problèmes d'alcool, mais pas du tout. Ouais, mais en fait, j'étais juste là en mode en train de marquer, bah c'est pour la vanne, quoi, prenez un verre, histoire que ça se corrige plus facilement. Mais non, et tu lui as dit ça? L'a mal pris. Tu lui as dit? Ah, je lui ai dit, mais elle s'en foutait. Sérieux, elle... Ouais, ça fait zéro. Voilà, claque, ça s'est fait. Bon, j'ai pas pu sauver. C'était en deuxième, c'est... Il faisait marqué, ben on donne la définition de énergie, puis j'avais mis énergie. Hit music only, enfin des trucs comme ça. Ça aussi. En science, j'ai fait ça aussi. Sérieux ? Ouais. Cite-moi trois énergies, j'ai mis hit music only. Ben voilà, la même. Voilà. Allez hop, la check, on s'en fait un. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Vous le voyez ici à travers votre poste de radio. Je sais pas comment alors, mais vous pouvez le voir. Ou alors je réponds, bah, c'est vous la prof, vous devriez savoir. Vous avez fait des études en sciences. Moi, je suis rien qu'un élève de 15 ans. Pourquoi vous me posez ces questions là ? Un oral, j'ai fait ça. On m'a dit, oui, alors. Quelle est la réponse? Moi, je fais, bah, vous le savez, vous êtes pro, vous me le demandez. Attendez, pas faire votre boulot non plus. En oral, ça passe mieux parce qu'il y a plus de contact et tout. Bah, c'est ça. Il y a une interaction et tout. On peut encore bidouiller pour essayer que ça passe mieux, mais c'est vrai que si on n'arrive pas à avoir ça, ça peut être un petit peu compliqué. On va se faire la cassette de Jadoul dans quelques instants. Connais-tu déjà la cassette de Jadoul? Sais-tu ce que c'est? C'est pas ça qui est dans le... avec la tête de tortue là. Non, ça c'est un album de moi. Non, je sais pas c'est quoi. En fait, il y a un album là dans une vitrine de moi qui remonte à il y a quelques années. On avait fait ça pour une émission, c'était une parodie. Pour le Prime 2015. C'est ça, un des Prime Time qu'on avait fait pour rigoler. On avait fait un album. C'était Thomas Jadoul, une voix pourrie, le cadeau idéal pour gâcher Noël. Avec une photo de moi en train de chanter. Et tellement je suis la tête penchée, on dirait une tortue, comme dit Terrence. Donc je te remercie pour la comparaison. Ça, c'est fait. Merci beaucoup. Mais le rire. Merci. Allez, on va s'enchaîner toutes les musiques qu'on va s'écouter ce soir, notamment le nouveau titre de Feder, tu le connais ou pas? Non. Non, parce que rien à voir, c'est Kungs. Je me suis complètement trompé. Ah oui, ouais. La manne. C'est... Tu connais Mpokora? Ah bah non, bah, c'est pas ça qu'on écoute de toute façon. Complètement fan, j'adore ce nouveau titre de... J'allais dire Feder, encore une fois, tu te rends compte. Mais t'as un problème, toi. Ouais, j'ai un sérieux problème. Bon, ce qu'on va faire, c'est que il va me frapper, et sur ce temps-là, on écoute le jingle. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Il m'a défoncé la gueule, ce con. Non, ça va, j'ai mal un peu, mais ça va passer. Dis, t'as de la force. Ça fait 15 euros déjà jusque maintenant dans la boîte. Ah oui, c'est vrai, j'ai un peu zappé ça. Est-ce que j'ai encore le jingle de ça? Oui, attends, je l'ai. Non, mais c'est pas grave, c'est bien. Ok. Non, mais c'est bien que tu dises des gros mots comme ça. Comme ça fait comme de la ça, moi, je peux en... Non, comme ça, moi, je peux en dire. Voilà, je me sens moins seul, en fait. Je tu me sens moins vulgaire. Voilà. C'est ça, d'accord, ok. Y a pas de souci. Vous êtes dans Jadoul, l'émission qui est là pour vous et qui vous donne accès à l'antenne. Nous vous accueillons sur le plus 32 49 9 15 75. Comme ça, vous pouvez interagir avec nous, parler en direct et tout. On va appeler dans quelques instants un des auditeurs de cette radio qui nous aime bien et qui a envie de remporter un petit cadeau. Donc, on va l'appeler. Et d'ici là, on va faire d'autres choses assez sympathiques, notamment l'actualité. On va partir aux États-Unis, c'est assez dingue, vous allez voir. Mais là d'abord, la fête du jour, est-ce que tu sais quelle est la fête du jour déjà? La journée de la Russie. La journée de la Russie, non, ça peut pas être tous les jours étant donné que c'est déjà le mondial. Bah parce que j'avais vu sur Facebook bonne journée de la Russie, donc je pensais que c'était ça. Ah d'accord. Non, bah, je sais pas là. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, on fête les Anthelèmes. Les Anthelèmes. Les Anthelèmes. Les Anthelèmes, voilà, Anthelèmes, t'as raison. T'en connais? Non. Des gens qui s'appellent Anthelèmes. Moi, je connais pas du tout. Donc, du coup, on a été dans un annuaire et on a été chercher 4 Anthelèmes pour essayer de les appeler dans cette émission. T'es sûr que c'est la journée du nom et pas c'est le saint du jour, quoi. Ah, c'est le saint. Voilà, c'est. Il y a vraiment des gens qui s'appellent Anthelèmes. Oui, bah la preuve, on a 4 numéros sous les yeux. On va les appeler dans quelques instants pour essayer de leur souhaiter une bonne fête et voir déjà si on arrive à les joindre. En principe, ils parlent tous français. Mais si c'est comme samedi passé, on va encore tomber sur la trois quarts qui parle en néerlandais. Mais ça va être drôle. Ça va être la galère. Mais je me débrouille pas du tout. Donc, tu parles un peu néerlandais? Moi, je sais juste dire saignant. Saignant. Bloedelig. Bloedelig. Qu'est-ce que ça te sert à quoi dans la vie? T'arrives dans un endroit, dans un resto. Bonjour, bleu de l'air. Mais qu'est-ce que tu veux dire à part ça? Je vais t'expliquer. Okay. Bon, c'est après le défilé de ma copine. La petite explication de Terrence. Alors c'était à Anvers, lorsque ma copine a défilé après sa victoire lors du concours, nous avons décidé d'aller fêter ça au restaurant. Okay. Le problème étant que c'est dans la région flamande et que peu de gens parlent anglais. D'accord. J'ai quand même demandé mon steak saignant en anglais et ils m'ont dit, donc du coup, vu que c'est des gens très très sympas, contrairement à ce que l'on a tendance à dire des flamands, ils m'ont appris un petit peu le néerlandais. Ils m'ont dit, bon, en français c'est comment ça? Je dis saignant. Ils disent, ah, en néerlandais c'est bloedelig. Et voilà. Okay. Et du coup, j'ai retenu ça et puis voilà. Et depuis c'est un délire avec ma copine. D'accord. C'est sympa. Bah, au moins tu nous auras appris quelque chose et on est très content de le savoir. Mais apparemment je l'ai dit mal parce que j'ai re-rencontré une néerlandaise récemment. Je lui fais bloedelig, bloedelig. Puis elle m'a regardé dans le mode what? Quoi? Bloedelig? Saignant. Ah, blood. Et puis elle leur dit pareil mais pour moi c'est la même chose. Okay. Quoi. Parce que imagine tu croises quelqu'un qui sait juste dire saignant en français, tu le croises, il te fait saignant. Le gars, il se regarde un peu bizarrement, enfin, je sais pas. Fatalement, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, pourquoi il me dit saignant, il va me saigner. Ça se trouve, il m'a appris à dire hippopotame, tu sais. Et moi, je le sais pas. Je te comprends pas, je t'avoue, je ne te comprends pas bien. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça doit être bizarre. Bleu de l'air, bleu de l'air. Tu m'inquiètes pas du tout, hein. Regardez l'autre fou, là. Moi, je t'ai. Ça va aller, hein, ça va aller. Est-ce que tu es en forme? Ouais. Ah. On est là. Ok, d'accord. Je pense que ça va. Les auditeurs ont laissé un petit message au standard pour toi. Sérieux? Ouais, ils étaient un petit peu énervés. J'ai eu du mal à découper un extrait de ce qu'ils ont dit, mais écoute, c'était rien que pour toi. Non, voilà, je pense que le message est passé. Voilà, maintenant il est en muet. Non, ça va aller. Donc, on va appeler donc tous ces numéros-là dans quelques instants. Juste le temps d'allumer le standard et tout ça, comme ça, on reçoit tous vos messages. Vous nous envoyez votre petit SMS au +32 49 95 75 60 et 15, on ne sait pas 75. Et ou soit vous nous envoyez un petit message sur la page de l'émission Thomas Jadoul sur Facebook, Twitter, Instagram. On est partout de toute façon. On va s'écouter un petit titre et on revient juste après avec toutes nos séquences. Ça te va? Ça marche. Ça va, alors ok. Quel est le titre que t'adores en ce moment? Qu'est-ce qui te fait... Oh, bah pour l'instant, moi, c'est Angèle Latune. Angèle Latune. Ah ouais, je connais. C'est arrivé récemment ici à la radio. Ouais, c'est tout nouveau comme titre. Ouais, c'est tout récent. C'est nouveau. Bah, on va peut-être essayer de se le caler dans la suite de l'émission. Mais là, pour l'instant, ce qu'on va s'écouter, est-ce que tu connais maintenant Federer, le vrai? Moi, je connais Federer, mais il joue plus trop au tennis, donc... je sais pas. Someone listening? Ah, je pense qu'il nous demande d'écouter. Ok. Ok, c'est bon, on y va. On s'écoute Goodbye tout de suite. C'est Federer sur Hilar FM. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Profitez bien de votre soirée. On est là, on ne vous lâche pas. Of that guy. First you loved. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h sur Hilar FM. Et c'est bien vrai, on est là avec vous. Tes paroles que je bois d'ailleurs. Ça, je ne voudrais pas savoir. je laisse les auditeurs interpréter ce que tu viens de dire comme ils le veulent. Mais non. Mais pas comme ça. Je parlais d'alcool, moi. Ah d'accord, ok, d'accord, tu picoles, ok. J'avais pas saisi ça, tu vois. On n'était pas sur le même délire. Et après, c'est moi qui ai un esprit mal tourné, tu sais. Oh, bah tout le monde en a un petit, hein, d'esprit mal tourné. Je pense qu'on devrait arrêter cette discussion-là avant qu'on ait des blessés. Ce que je devais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Saint comment? La Saint... je sais déjà plus. Athélem. Athélem, voilà. Athélem. Et on va en appeler. Là, on a un numéro standard. Et donc, c'est parti, on y va. On en appelle tout de suite, en direct. J'espère que ça va répondre. On n'a pas testé les numéros à l'avance. Hein. Donc l'émission est très bien préparée. Allez, c'est parti. En même temps, on va pas les appeler déjà avant l'émission, sinon ils vont s'y attendre. Oui, c'est sûr, c'est vrai. C'est pas con, tu vois ce que tu dis. Je trouve ça très malin. C'est pas moi qui suis pas con, c'est toi qui dit des trucs. Ok, ah ouais, le premier déjà non. Ça, oui. Alors, c'est parti, on en appelle un deuxième. J'ai plein de numéros. Ça, c'est parce que c'est un rageux, parce qu'il s'appelle Athélem. Il l'assume pas. Pourquoi tu juges les gens qui s'appellent Athélem? C'est triste quand même. Bon, je m'appelle Terence, mais bon. Oui, c'est pas mieux. D'ailleurs, tu peux nous raconter l'histoire de l'accent du E dans Terence? Quoi? Ah oui, avec ma mère? Ben, au départ, tu voulais pas le mettre, l'accent, et après, tu l'as mis. Oui. Ben en fait, mon nom c'est avec un E, mais moi je voulais pas le mettre, je sais pas, parce que. T'avais la flemme. Non, c'est pas intuitif. Mais même ma mère se trompe sur mon accent. Hein. Elle m'appelle des fois Terence au lieu de Terence. Et elle écrit avec un E accent grave, mais ça c'est parce qu'elle est dyslexique. D'accord. Donc, celle qui m'a donné mon prénom, mais elle sait même pas comment on l'écrit ni comment on le prononce, quoi. Ah, elle est dyslexique. Oui, oui. Ah, bah ça arrive. Voilà. Je compose les numéros en même temps en direct parce que je vous lis. On n'a pas testé les numéros à l'avance, donc on en a 5-6 là sous les bras. Regarde si t'es en masqué. Parce que c'est le standard est d'office en masqué. Hein. Ah, mais c'est peut-être pour ça que les gens raccrochent alors. Ben, ils raccrochent pas, c'est que ça sonne pas en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a une faute sûrement dans le numéro. Si tu veux, moi j'essaie avec le mien. Oh, on va pas essayer avec nos téléphones personnels non plus. Voilà, on appelle avec le standard en ligne 1 et normalement ça devrait sonner. Ouh, ça sonne. On va essayer de savoir s'il y a moyen de lui souhaiter une bonne fête. Je ne le sens pas. Je vous le dis, je ne le sens pas, comme ça c'est dit. Bon. Allez, allez, allez. Bonjour, vous êtes sur la Bonjour. Messagerie du 0. Ok, c'est gentil. On ne l'a pas, c'est pas bien grave. On va essayer d'en trouver un d'ici quelques secondes. Hop. Sur ce temps-là, donc tu connais aucun ATLM, toi ? Non, bah non, absolument pas, je savais pas que... Tu savais même pas que ça existait, je pense. Moi, je pensais que c'était les numéros ATLM, tu sais. Non, ça, c'est 7LM. Ah oui, pardon. Rien à voir. Si, il y a un mot qui s'appelle ATLM en français. Ah bon ? Des points ATLM, je crois que c'est des endroits où on peut appeler. Je sais plus. Ah, je savais même pas. Je savais même pas. Bah, tu m'apprends quelque chose. C'est sympa. Bah, je te remercie. Bah, c'est peut-être le nom du gars, en fait, qui a un... Comme poubelle pour Monsieur Poubelle. Monsieur Poubelle, effectivement, qui a créé la poubelle. C'est peut-être pour ça. D'accord. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'on va appeler Terence dans le vocabulaire du quotidien. Pas grand-chose, tu sais. Allez, on appelle un ATLM. Ils sont peut-être tous couchés le jour de leur fête, ou ils font la fête, je sais pas. Bonjour, vous êtes sur la Je dis que ce mot n'existe pas en tant que prénom. C'est toutes des fausses personnes. C'est la fête des points téléphoniques. C'est ça, des points téléphoniques. Mais regarde sur ton téléphone si ça existe mais alors des regarder, ATLM. Oui, regarde sur Google, comme ça tu sais me dire un petit peu ce que c'est, parce que moi j'ai jamais entendu ça auparavant. J'ai même dû prendre 20 minutes au bureau pour essayer de prononcer le mot. Voilà. Hop. Ça se trouve, c'est une société, c'est pour ça que ça répond pas. Hop, 1. Oui, je fais tout moi-même parce que le standardiste est parti. Donc, on doit tout faire nous-mêmes en direct. C'est pas bien grave, j'aime beaucoup le standard. Hop, on y va. On appelle le suivant. Le dernier de la liste. Tout repose sur lui. Ah, ça sonne. C'est déjà ça. Il ne faut pas ressembler à ATLM pour faire du ATLM. Vous n'allez pas me dire qu'il y a zéro ATLM en France qui peut nous répondre. Bah, j'en ai l'impression quand même. Crap, bah, c'est pas grave. On essaiera de nouveaux numéros dans quelques instants pour appeler des ATLM, mais c'est quand même dingue. T'as trouvé ce que c'était ou pas? Ils sont trop occupés. Hein. À changer de prénom, ça prend du temps. Tu sais, d'aller à la commune, trouver un prénom à la mairie, faire des démarches et tout. Ouais, ça doit être compliqué, effectivement, je confirme. T'as trouvé sur internet ce que c'est un ATLM selon toi? Je suis en train, apparemment, c'est déjà un nom anglais. C'est pour désigner un anagramme, mais je sais pas encore vraiment quel type d'anagramme. Ouh, ça me semble bien pointu tout ça. Bah, peut-être que tu vas me trouver ça. Ouais, c'est ça, c'est un anagramme. Un anagramme? Oui. Et qu'est-ce que c'est, un anagramme? Je sais pas. Bah, regarde ce que c'est un anagramme. Je pense que c'est un truc pour envoyer des messages ou quoi. Non, ça c'est un télégramme. Rien à voir. C'était pour te tester. Comment est-ce qu'il essaie de me tester alors que lui-même il savait pas ce que c'était? Prends pour un con en plus. Oh là là, j'adore. Anagramme est un jeu télévisé français animé successivement par non, Michel. Non, c'est pas ça. Il est doué, mais il est doué. Oh non. Oh là là. On va y arriver. Obtenu par transposition de lettres d'un autre mot. Ah d'accord, donc c'est comme si tu prenais ton prénom et qu'en le transformant, tu arrives à avoir un autre nom en fait. Ah oui, peut-être. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ça me disait ça, mais j'étais pas sûr du tout. Donc j'ai préféré que tu vérifies et finalement, bah, ça va. On est voilà, pas dans ça. Le flou. Je savais même pas que je connaissais ce mot-là. Donc on va essayer de voir dans quelques instants s'il y a d'autres amalgames. Non, comment est-ce qu'il s'appelle ? Atelem, qui pourrait nous répondre. Mais ça, c'est dans quelques instants, étant donné que je ne sais pas du tout en avoir là maintenant sous la main. Donc je ferai ça dans la musique. Comme ça, on se fera J'adore la musique derrière qu'il y a. Quoi ça ? C'est le bed. D'accord, ok. Il est fan de musique du loto, tu sais. D'accord. Ok, donc je vois. Donc genre, le numéro complémentaire, le 32, le 29, et l'étoile du jour. D'accord, c'est, ouais, ça, c'est ça. Ok, d'accord. Mais c'est le bête de l'émission là depuis septembre. Moi, je l'aime bien, moi. Il est sympa. On va se faire tout de suite la cassette du jour. Ça te va, ça ? Ouais, allez. La cassette du jour. Et puis, bon, c'est toujours quelque chose de sympa, étant donné que personne ne l'a encore trouvé. Enfin, en tout cas, du moins, je pense. Allez, c'est parti. On se fait la cassette du jour. Allez-vous deviner le son de la semaine ? C'est la cassette de Jadoul. Et dans la cassette de Jadoul, on va se réécouter celle de samedi passé, car on doit donner la réponse aujourd'hui. C'est parti, on l'écoute. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien, c'est pour ça que je vous le demande. Plus 32, 49, 9, 15, 75. Tu peux remettre, s'il te plaît ? Le remettre ? Oui, oui. Carrément ? Oui. T'as envie de jouer ? Oui, oui. Ok, bon bah c'est parti, je le remets, je rebobine. Et c'est parti. C'est parti. Ça te dit rien ? Peut-être une roulette ou une roue, non ? Une roue de la chance ? On doit essayer de trouver le titre de la chanson. Ah, je pensais le truc qu'il y avait avant le... Ok. Ah bah non, ça c'est la cassette qu'on met dans le lecteur. C'est pas Lady Gaga. C'est pas Lady Gaga. De toute façon, on doit donner la réponse tout de suite maintenant. Selena Gomez. Non. Allez, c'est parti. On écoute le titre en entier. Quoique non, on fait le tirage avant parce que sinon, si on écoute le titre, les gens ils vont Shazam, mais ça va pas le faire. Donc c'est parti. On lance le tirage au sort dans le standard. Ça c'est la roulette, par contre. Ouais, c'est autre chose. Allez, ça ralentit. 5, 4, 3, 2, 1. Aucun résultat! Putain, pardon. C'est très vulgaire, ça, par contre. je suis complètement étonné parce que j'ai donné un indice en plus hier dans le best-of de l'émission. Mais personne l'a compris. Donc, au final, personne n'a trouvé que c'était le titre en question. Je le donne alors, j'ai pas le choix maintenant. C'était SOS le titre. Tu connais? SOS de? SOS de Rihanna. Bah voilà, on s'écoute tout de suite. Mais sur la musique, je la connaissais, mais je retrouvais plus le. Bah le ouais, c'est normal, c'est déformé et tout. On s'écoute la nouvelle cassette dans un instant. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée. En tout cas, nous on est là en direct, toujours avec Terence Bernard. Ouais, ouais, ouais. Il lui faut 5 heures pour réagir. Le temps qu'il se réveille. Ouais. Ça va, ok, on est bon, on peut lancer le jingle. C'est parti. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Alors, il y a un truc de dingue, c'est que j'ai du mal à trouver des antelmes. Parce qu'on s'est trompé, c'est pas atelem, c'est antelme. Ah, mais voilà. Antelme. Ah oui, ok. Donc on appelle sur l'antenne des antelmes. Ça, c'était très dur à dire. Notez la performance quand même chez vous. Ouais, je le note. Donc, note-le. Ouais, t'as raison, t'as raison. Contact des antelmes à l'antenne. Ah. On essaie d'appeler un nouveau antelme. Ça devrait aller, hein, en principe. Si ça sonne. Allô, la sonnerie ? T'es déjà en vacances ? D'accord, Zeven. Ça, c'est ta langue, ça. Comment tu dis déjà, Bloodly. Bloodly. Voilà. Tu l'appelles, tu fais Bloodly ? Antelme ? C'est la seule chose qu'on sait faire, tu sais, à l'antenne. Juste dire ça. Non, mais y a pas de souci. On va essayer de l'appeler. On va essayer de... Ah si, moi je sais dire ya et ne. Oui, mais à part ça. Je sais dire guten art et thank you. D'accord. Donc en fait, tu fais un mix de langues en plus. Un petit multi-chic. C'est génial. Bah, félicitations. Je suis bluffé. Tu m'étonnes tous les jours. Donc bravo à toi. Bah, c'est pas grave. On va essayer d'en avoir dans quelques instants d'autres numéros de téléphone. Mais en attendant, on va faire les news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et c'est complètement dingue. On va parler d'un bulldog anglais qui a été officiellement élu le chien le plus moche au monde. Donc ça, c'est fait. Est-ce que toi, tu te vois déjà élever un chien pour que... Mais c'est pas toi, ça ? Le chien le plus moche du monde. Je te remercie, ça c'est très gentil. De rien, de rien. Ça c'était gratuit ? Oui. Ah bah ça oui, va. Oui, mais bon, t'as un prix Nobel quand même pour ça, donc... Oui, bah ce qu'on va faire, c'est que je vais pas t'en vouloir d'avoir dit ça, je vais juste te filer un grand coup de pelle, si j'en ai une. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, alors je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé. Mm-hmm. Ça se passe aux États-Unis. C'est une femelle bulldog anglais âgée de 9 ans qui a permis à sa maîtresse de remporter 1 500 $ en étant élu le chien le plus laid au monde. Ce bulldog a en effet remporté ce titre prestigieux, qui est quand même fort convoité, avec une langue très longue, des babines très pendantes et beaucoup de bave. Ça a permis au jury de se décider que c'était le chien le plus laid au monde. C'est trop triste. C'est complètement dingue surtout. Et donc le chien s'appelle Zasa. ZSA, ZASA. Ah oui. Déjà, il faut se lever de bonne heure parce que le nom, il est déjà dégueulasse. Et en plus, le chien, il est très particulier. Tiens, regarde, t'as une photo, elle est peut-être en noir et blanc, mais on voit quand même bien la tête ah du oui, chien. Ah oui, quand même, la langue. Et il est dégueulasse. Hein. Ah ouais. Il est dégueulasse, le chien. Toi, t'as un chien chez toi ? Ouais. C'est quoi comme chien ? Un Basset Hound. Une sorte de basset. C'est un chien de chasse avec des longues, tu sais, les chiens saucisses avec les longues oreilles et les yeux qui pendent. C'est le pauvre chien qui se ramasse tout le temps des coups de pied dans la journée, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Le pauvre. Non, mais au niveau de l'éducation du chien, ça a été? Oui. Enfin, il obéit, quoi. Ça dépend pourquoi. Si tu lui mets une croquette devant les yeux, oui, il obéit, mais ça c'est sûr. Avec Terrence Bernard, qu'est-ce que tu veux qu'il obéisse? Non, mais en fait, franchement, ça dépend. Mais c'est vraiment un bouffe-tout. Donc dès qu'il voit de la nourriture, ben, forcément, il monte sur les armoires, il vole. Il est un peu bête. Il faut l'avouer, c'est une bête. Il est un peu con, quoi, mais c'est... C'est une bête un peu débile, oui. Donc, faut que je vous raconte, moi... Un truc intéressant, c'est... en fait, j'ai un chat et un chien chez moi, mais le chat est super... En fait, moi, je compare toujours le chat et le chien comme l'homme et la femme. En fait, t'as le chien, c'est le mec un peu débile, un peu tout simple et tout, puis t'as le chat bien plus rusé qui va chercher bien loin et qui se complique la vie. J'aime pas les chats. Ah, je déteste les chats. Mais rien, mon chat, en fait, il est super rusé parce qu'il aime pas trop mon chien, forcément, c'est un chat. Et donc, il s'est sauté sur la clinge, en fait, de la porte pour ouvrir la porte. Ouais. Et comme ça, la porte s'ouvre, il pousse avec ses pattes. Comme ça, la porte est grande ouverte. Comme ça, mon chien, il voit le dehors et il se barre. Et lui, il reste là, à le regarder sans fourrir et à se prendre des fessées par ma mère. Et il est là en mode. D'accord. Alors, il est content de voir mon chien se. Ah ouais, quand même. Ou alors, je me rappelle aussi qu'on avait le. Quand on lance Terrence, il s'arrête plus. Quand on a acheté le chat, enfin on l'a pas acheté, en fait on l'a récupéré. On l'a volé. Non, on l'a aidé parce qu'on l'avait trouvé mort sur le bord de la route, donc on l'a aidé, on l'a recueilli. Mais il était pas mort. À moitié quand même. Il était sur les points, quoi. Il était très très maigre, il était mourant, en fait. C'est pas drôle, mais je veux dire, le fait que tu dises on l'a retrouvé mort et on l'a accueilli, donc ça veut dire que tu l'as enterré chez toi, c'est tout. Non. le chat en paillis qui saute sur la clinge. Non, mais j'imagine. Oh, il est mort! Mais c'est pas grave, on va l'enterrer chez moi. ça ferait une peluche pour mon chien. Oh, c'est dégueulasse. Donc continue, vas-y. Enfin, donc on avait la porte du garage, en fait, et on n'avait jamais remarqué, mais en fait, il y avait une planche, tu sais, juste au-dessus du garage, et où il suffisait de la toucher, et la planche, en fait, basculait, et donc ça laissait une sortie pour le chat. Et lui, en fait, il sautait sur plusieurs objets, il poussait la clinge, enfin la planche, et puis à chaque fois, toutes les deux secondes, on le retrouvait devant la porte du jardin en train de miauler, alors qu'on venait juste de le mettre dans le garage et on comprenait pas, il faisait ça sans cesse. On n'avait jamais remarqué, en fait. Mais c'est un chat vraiment super intelligent. Et le chien, un peu trop débile, quoi. Il est tombé dans la bonne famille, en fait. non, mais c'est sympa. Moi, j'avais un lapin, il était con, mais alors con, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que c'est un lapin, donc naturellement, si on le met à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire, Terrence? Il va sauter, il va manger l'herbe. Il va faire un trou, quelque chose. Ouais. Alors, je vous le dis, on le mettait dans une cage à l'extérieur. Je pouvais passer avec la tondeuse à 5 cm de sa cage Le gars, il restait, le lapin, il restait là, il regardait la tondeuse en mode oh c'est joli. Mais il fouillait même pas, il avait pas peur. Mais on pensait qu'il était sourd, mais non. Mais non, c'est juste qu'il a la confiance. Il a confiance. C'est l'habitude, peut-être. Moi, j'ai le lapin de ma sœur, il est comme ça aussi, il a pas peur, absolument pas peur. Mais il avait tellement confiance, alors c'est-à-dire que je m'approchais de lui, je pouvais prendre mon élan et lui foutre une grande claque, ce que je n'ai pas fait, mais je m'arrêtais à 2 cm de son visage, il réagissait pas. Il y avait juste le vent qui allait dans ses poils. Mais à part ça, il était là, il regardait en mode bon bah quoi c'est qu'on mange. Et le gars il s'en foutait quoi. Donc voilà, il est mort hein. Il s'appelait Raymond, mon lapin. Exceptionnel le nom. Appelle-le Anthelme, c'est mieux quand même. Anthelme, ouais, c'est génial ça. Sinon, on va essayer d'en appeler dans quelques instants, c'est si la fête d'Anthelme. En parlant d'infos intéressantes qui pourraient intéresser nos petits auditeurs. Voilà, c'est ça, bien sûr. Le singe le plus intelligent du monde est mort récemment. En fait, c'était un singe, mais vraiment avec un QI de 70. Il était capable en fait de parler en langue des signes. Oui, QI, j'avais pas compris. Ah oui, désolé, je suis fatigué, donc j'arrive pas à articuler. Ça se voit à peine. Un fort accent belge. Ça s'entend pas du tout, écoute. Arrête de te moquer de moi. Hein. Je me moque. Je me permettrai pas. En fait, le singe, c'était énorme parce qu'en fait, il pouvait communiquer avec les humains en langue des signes. Et donc, il te parlait avec des gestes. Il te disait bon, je suis fatigué, j'ai faim, je suis triste. Et il te communiquait même ses émotions. Il avait même dit à un moment, je pense, mais je trouve ça dommage que les humains tuent en langue des signes, quoi. Parce que moi, je suis triste, c'est parce que ma famille. Voilà, et il disait ça, ou alors il dit je ne veux plus sortir être dans ma cage, et il se parlait vraiment en langue des signes quoi. Il était énorme, il regardait la télé, il checkait l'humain, il mangeait avec lui, enfin bref, c'était vraiment comme un humain quoi. Il y a déjà des chiens pour les aveugles, et ben si pour les petits enfants qui sont sourds on peut leur donner un singe qui parle en langue des signes pour les divertir, je trouve que c'est génial. C'est énorme, c'est génial. Bon, tu le fais pas venir dans l'hôpital le singe parce que c'est quand même pas top, mais je sais pas, chez des gens ça peut être toujours sympa. Mais il a joué dans plusieurs films hein, c'est ce singe là, je crois qu'on le mettait en habit d'humain, on lui disait fais ça, il alors le faisait. Donkey Kong n'a jamais existé. Mais non, dans certains films humoristiques, tu sais, des fois on voit des singes habillés en humain qui sont devant la télé ou quoi, ou même dans les clips ou quoi. Ben il y a plusieurs singes comme ça, mais notamment il y en a un de ceux-ci qui c'est celui dont je te parle quoi. Je comprends. Le plus intelligent. Ouais, c'est sympa. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'on n'est pas si loin de ça que. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est. Et on a tendance à oublier en fait que ces animaux sont presque des humains quoi. Oui, presque, mais c'est des. Je veux dire, c'est des animaux qui peuvent, si on les formate à ça, développer une bonne intelligence. Ouais. Par exemple, j'ai recueilli Terence il y a 4 ans dans la prod. Bah, depuis, purée, qu'est-ce qu'il a évolué. Je sais parler maintenant. Ah, c'est vrai. Ah bon, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'orthophoniste. Sans bégayer, ça m'arrive de ne pas bégayer. Ah, ça va, parce que moi, ça m'arrive toujours pas. Allez, on va se faire encore une news, si tu le veux bien. Ok, une news. Non, pas un nude. Je sais que t'en meurs d'envie et que t'en fais tous les jours dans ta story sur Snap. Non. On va parler de Trump, évidemment. Ah, mon pote. Cool, s'il fait partie de tes amis, si tu peux lui en foutre une de ma part. Non, il faut arrêter de détester Trump parce que c'est pas en le détestant qu'il va quitter son poste. Mais par contre, il se vante de sa chevelure. C'est l'un de ses grands atouts. Et je cite, il a dit « C'est l'un de mes plus grands atouts. Tout le monde disait que mes cheveux étaient faux, que ce n'était pas les miens, que j'avais une perruque. » Il a lancé ça lors d'un meeting de campagne en faveur du gouverneur républicain de la Caroline du Sud. Et il parle de ses cheveux durant la République. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Donc le gars, il en pas... plein débat politique. C'est ça. Je dis que j'ai des beaux cheveux. Alors il rajoute. Si ce ne sont pas vos vrais cheveux, ne soyez pas candidat. Il le répète 2 fois. Et il dit, j'ai été pris dans des tempêtes, des vents à 100 km/h. Et amusé, il a poursuivi en disant, si ce ne sont pas des vrais cheveux, ne me voyez pas candidat. Il le répète encore une fois. Donc en gros, il dit que comme c'est des vrais cheveux, il a pu résister au vent. Et il a pu être candidat. Et il a pu être aux candidat. Élections. Imagine, moi, je me présente aux élections parce que je résiste au vent et j'ai des beaux cheveux. C'est ça. Ouais. Parce qu'on n'a jamais vu de président d'Amérique chauve. Ah si, Barack Obama. Donc voilà, ça c'est fait. Merci Trump de ce moment, de ce grand moment. Et le pire, c'est qu'il fait ça durant un meeting, c'est ça qui est quand même excellent. Il a même pas des beaux cheveux, enfin, on dirait un canari. Les Simpsons ont fait une très belle parodie de Trump. Je trouvais ça génial. En fait, c'était un caniche qui allait sur sa tête. Et alors, il coiffait le caniche, et après le caniche, il grimpait sur ses cheveux, enfin sur sa tête chauve. Et du coup, je trouvais ça excellent. Et il s'aspergeait le visage d'une bombe pour essayer d'être orange. C'était excellent le truc. J'ai vu ça sur Jean-Marc Morandini, c'était excellent. Bien, bah voilà, on a fait un petit peu le tour des actualités récentes là que j'avais envie de vous communiquer. On en aura encore une ou deux dans quelques instants, notamment une qui est complètement dingue. C'est un type, il en avait tellement marre des gens qui passent devant chez lui, il a fait un truc, mais c'est magique. Non, il a pas mis une photo de Terrence nue, mais c'est similaire, vous allez voir, c'est assez marrant. Ça va Terrence? Oui, ça va, et toi? Ça va, j'ai entendu que tu t'étais mis à la musique. Mais ça fait un petit temps. Oui, on écoute tout de suite un extrait du tube de Terrence Bernard. Jésus, Jésus, bien sûr. Merde. Mais va au moins jusqu'au bout de tes morceaux, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'avais plus d'inspiration, je me suis dit que ce serait cool de faire un truc conscient sur la religion et dire qu'on est pas, on est tous les mêmes, mais après ouais. Jésus, j'avais plus rien qui me venait, donc voilà. Donc voilà. Je me suis dit c'est bien quoi, quand même, c'est déjà un bon début. Évidemment, je comprends. C'est sûr, on traîne cela. La chanson s'appelle Jésus d'ailleurs, si tu savais pas. Et vous... Vraiment? Oui. Oui. Jésus. Et celui-là, Jésus. Jésus. Et ça chante comme ça? Oui. Ah, d'accord, ok. Donc il est au délire jusqu'au bout, hein, j'arriverai même pas à lui faire vendre sa propre musique. Non mais si on veut écouter ta musique, on peut te retrouver où? Sur SoundCloud peut-être? Non, sur YouTube, c'est déjà direct. Bien, ou sur ma page Facebook. Voilà, en c'est fait, ça. En fait c'est plus des clips, mais c'est pas vraiment des trucs à écouter. Je pense pas que les gens s'amusent à m'écouter dans le train ou dans le bus quoi. Non, mais tu sais qu'on a des web radios, des radios digitales thématiques là sur ilarfm.com. Si un jour t'as quelque chose de vraiment bien à nous proposer, bon, on peut peut-être l'envisager de le mettre sur une des web radios. Comme ça, ça passe dans la diffusion et les gens, quand ils écoutent ça pour aller au travail ou quoi. Il y a quelqu'un, je dois vous dire, je vous avais déjà raconté que j'ai créé une web radio sur le site qui s'appelle Hilar à la plage, avec tous des titres qui ambiancent vraiment comme si on était sur la plage en train de boire un verre. Et voilà, c'est mon petit bébé, j'en ai fait la promotion l'autre jour dans l'émission et j'ai reçu un petit snap de quelqu'un qui écoute cette web radio là et qui m'a dit, bah honnêtement, ça payait pas de mine, mais j'ai écouté Hilar à la plage et je pense que je suis resté dessus une heure tellement j'étais dans l'ambiance et ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, faites comme lui, il a refait pas si, comme Mama si, Mama Bo, Mama Coco ça. Alors on fréquente pas les mêmes plages les deux. Moi c'est plutôt une plage, tu vois, où il y a de la musique un peu house, électro et ah ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est un peu plus le truc que tu t'écoutes en prenant un cocktail quoi, ouais, tu vois. Enfin, sinon c'est sympa. Et donc voilà, je vous invite à écouter, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, hein. Je pense que c'est vrai que si je pouvais en vivre, ce serait magnifique, ce serait énorme. Voilà. Faudrait que tu nous le réenregistres, comme ça on l'aura de meilleure qualité que le son un peu pourri des télévisions locales. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que j'enchaîne rapidement, moi. Non, je rigole. J'embrasse les télévisions locales et principalement les radios locales que j'aime beaucoup. Et je vous tiendrai un petit peu au courant de la saison prochaine, car je vous dis, je sais même pas si je continue la saison prochaine l'émission. Ah non, hein. Ah, je vous dis... Oh. Non, mais c'est pas une vanne. Quoi, moi, alors? Et tu fais quoi? Tu vas toquer chez ARL, comme ça t'iras chez eux. Bah oui, bien sûr. C'est quoi cette radio encore? C'est celle qui nous diffuse en ce moment. Mais je sais bien. Ah d'accord, ok. Je me suis dit, le gars, il va tout nous flinguer à l'antenne. Le gars, il ferait mieux de se taire. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit silence en anglais? Silence. Silent. Yeah. Et donc tu connais évidemment Enjoy the Silence de Depeche Mode. Ouais. C'est ce qu'on entend en fait. Depeche Mode, ça fait un peu... Enfin, c'est un peu rétro. Allez, dépêche. Dépêche, ok, d'accord. Le gars ne lâche jamais le morceau. Vous êtes dans Jadoul, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Morceau de pêche, on y arrivera. Il va me mettre des pêches. Là, je vais te mettre dehors, tout simplement. J'ai pas la pêche, je suis désolé. Je pense qu'on va en rester là. Vous êtes dans Jadoul, merci de nous écouter. Belle soirée à vous. Vous êtes dans Jadoul. Ah, je suis à fond dans l'ambiance été là. L'été sera chaud. J'adore ce titre parce que dès que je l'entends, je sais que c'est l'été. Lui, il est à fond. Mais... Jésus, Jésus. Le remix. Non, mais il faut savoir que Terrence, actuellement, il est vraiment habillé en mode été. En Marcel de Pellé. Non mais je ferai un petit selfie avec lui tout à l'heure. Non, en plus non. Ah si, je suis pas coiffé, j'étais en train de dormir, je suis venu en quatrième vitesse en Marcel en short. Mais parce je que... marque sur la photo que Terence complètement endormi. Non, si, alors je passe ma main dans les cheveux pendant que tu prends la photo, comme ça on voit pas que j'ai les cheveux. Ok, ça me va. D'accord, on fera ça tout à l'heure sur le fond noir là-bas dans le studio d'à côté. Et on publiera ça sur tous les réseaux sociaux. Retrouvez-nous d'ailleurs, Thomas Jadoul sur Snap et sur Twitter aussi. Et là, sur... du bas FM sur Instagram. Non, c'est Hilar FM en un seul mot. Ah, voilà. Mais c'est bien de préciser. Bravo, félicitations. J'adore, l'été sera chaud. Calme-toi, Thomas, calme. Ah non, mais moi, je te le dis, mon mois préféré dans l'année, c'est le mois de juin. T'es bizarre, toi, quand même. T'es le seul étudiant qui adore le mois de juin. Mais non, c'est le mois de juillet, août, ok, là c'est les vraies vacances, mais juin. Non, j'adore juin, je sais pas pourquoi. Mais c'est les examens. C'est le début de l'été, là on est à fond dedans, enfin je Ah oui, pas, oui, on est à fond dans les examens, oui, oui. Bah, oui. C'est le début de l'été, tu vois du beau soleil, mais tu restes dans ta chambre en train d'étudier des trucs qui ne te serviront jamais dans de l'ombre, alors que t'as des oiseaux qui chantent et du beau soleil à côté, quoi. Qui a dit que j'étudiais? Ça c'est fait. T'as réussi ton année, toi d'ailleurs? Allez, ça se passe très bien, moi. Mais figure-toi qu'il y a une chose que j'ai réussi toute cette année jusqu'à aujourd'hui, c'est à ne jamais parler d'études dans cette émission. Sérieux? Ouais. Et je pense que même la trois quarts des personnes qui nous écoutent... Ah bah je viens de gâcher ton truc. Exactement. Donc, pour ça, ça vaut au moins 5 euros. Alors, allez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se fasse la cassette de Jadoul, mais attention, on se la fait, mais c'est celle de cette semaine. Comme ça, vous découvrez le tout nouveau titre qu'on vous a déformé, et à vous de le deviner, à vous de trouver ce que l'on vous a concocté. Est-ce que ça te va, Terence? Est-ce que tu vas jouer avec nous? Moi, je vais jouer, oui. Bah, de toute façon, dès qu'il y a de l'oseille à prendre, t'es là, hein, donc... non, je rigole, on te voit pas comme ça... Enfin si. Non, je rigole. Allez, c'est parti, la cassette de Jadoul, nous sommes en direct. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Est-ce que tu es prêt à entendre la cassette de Jadoul de ce mardi 26 juin? J'ai fini ma phrase, maintenant tu peux répondre. Mais oui, pardi. Merci beaucoup. C'est parti, je te laisse la mettre dans le lecteur cassette. Merci. C'est parti. Purée, c'est pas Indochine. Non, c'est pas, non, ça, non, c'est pas Indochine. Ah, purée, en plus, je la connais, la chanson. Mais oui. C'est la première fois qu'on prend un vieux titre dans cette émission pour la cassette. Ouais, oh, c'est... Non, je vois pas. En parlant de je ferai, tu vas me le dire, je vais dire ah oui, mais là ça. Ouais. En parlant de je ferai ce que je voudrais, je tiens juste à vous informer que Kylian a quitté complètement l'émission aujourd'hui. Il l'a officialisé, enfin non, il l'a pas officialisé, il l'a oralisé en tout cas aujourd'hui. Il est passé au studio à 19h pour me l'annoncer. Donc il quitte ses fonctions et il quitte également l'émission qu'il vous proposait. Il vous abandonne de 19h à 20h plus le 20h 22h. Mais c'est pas bien grave, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas supporter de travailler avec d'autres personnes. C'est pas bien grave. On l'embrasse et je le remercie pour tout le travail qu'il a accompli jusqu'ici. Mais c'est vrai que la seule chose que je ne regrette pas, c'est de devoir à chaque fois me priver de lui demander de faire quelque chose en tant qu'animateur, étant donné que je lui demandais quelque chose et fatalement que je lui demande quelque chose, ça lui plaise pas, étant donné qu'il faut jamais lui dire quelque chose. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas... Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de modèle. Enfin, je veux dire, Thomas il m'adore, je fais tout parfaitement, enfin voilà quoi, je peux te payer. je savais qu'il y avait une enroule à la fin. Non mais voilà, en tout cas on ne part pas fâché, enfin lui il part fâché, moi non, mais c'est pas bien grave. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on repasse dans les news de la semaine. Mais d'abord, est-ce que tu es prêt pour ton jeu des 5 mots, Terence? Je suis prêt. C'est parti. Bon. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. On part pour 30 secondes, donne-moi le top. Top. On en regarde des films, c'est sur CD. C'était les vieux films. Ça mettait... les cassettes. Les VHS. Non, mais c'est sous forme de CD. C'est sous forme de CD. Un DVD. Un DVD, super, ok. La manière d'écrire, c'est. Cursive. Non. Ok, on passe. Non, on peut pas passer. Lorsque tu as une belle écriture. Ok, c'est ça. Une maladie avec les gens qui disent hey, salut, avec des yeux bizarres de Mongol. Des gens qui sont un peu insociables. C'est une maladie. Ouais, c'est ça, trisomique. Non. C'était autiste. Autiste, voilà. Mais on embrasse d'ailleurs toutes les personnes qui sont. C'est vrai que là j'étais un peu méchant. C'était en fait, un peu méchant. Mais, oui, mais non, en théorie tu parlais de la maladie, mais ça me donne l'occasion de rappeler qu'on embrasse toutes les personnes qui ont dans leur entourage ou dans leur famille des personnes autistes. Et c'est vrai que. Bon, c'était pas vraiment comme. Enfin, j'aurais pas dû le décrire comme ça. C'est... Non, t'aurais pas. Je m'en vais un peu parce que c'est pas du tout. C'est pas grave, on te pardonne. Mais comme ça me donne l'occasion d'embrasser toutes les personnes qui sont concernées par cette maladie. Et voilà. Ouh, grosse ambiance. Allez, on continue. On repart pour 10 secondes, c'est parti. Il ressemble à un éléphant, c'est un animal, un gros animal. Un éléphant. Il a un nom assez bizarre, assez drôle. Je sais pas du tout, Non, pas un chameau, je suis con. C'est un gros animal gris avec un gros derrière, avec une petite corne, voilà, c'est ça. Ah voilà, on repart pour 10 secondes, t'as encore un mot. Ouais. Bon, 10 secondes, je pense pas que je vais le trouver, mais bon. Secondes, minutes, heures. Voilà. Oh, génial! J'ai tout le jeu des 5 mots. Oh, je suis content. Merci beaucoup, Terence. Mais j'ai quand même raté, étant donné que j'ai dû faire 20 secondes en plus. Donc, secondes, ouais. Donc, ça marche pas. J'ai raté. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'annonce que je démissionne de l'émission. Toi aussi? Bon, ben. Bah, c'est la journée. Écoute, tout le monde se barre. On ferme la boutique. Non, je rigole, je vous quitte pas, je reste là avec vous tout l'été et c'est ça qui, je pense, vous rassure pour la plupart. Cet été, on ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. On peut revenir peut-être aux news de la semaine ? Oui. Ça te va? Oui. Pourquoi t'as rigolé? J'ai encore entendu le mauvais mot. D'accord, ok. Je suis désolé. Non, mais ça va, je suis content pour toi. Mais d'abord, on va appeler quand même Anthelme, ici à l'antenne, pour essayer de lui souhaiter bonne fête. On va peut-être y arriver d'ici la fin de l'émission. C'est le défi qu'on s'est fixé aujourd'hui. Ça sonne, c'est déjà ça. Allez, c'est parti, on appelle. Zut, j'ai pas le nom dans le standard, là. Je sais pas du tout qui on appelle. Je sais que c'est Anthelme, mais... Tu dis bonjour monsieur Anthelme. Bonjour monsieur madame Anthelme, ouais. Pourquoi pas. Mais la France dort à cette heure-ci ou quoi? Ou ils sont tous devant le match? Mais oui, c'est le match là ou pas? Ah, je sais pas du tout. Je vais regarder. Bon. Au pire, j'ai un message. Je vais laisser un message. Si il y a un répondeur. Non, c'est pas grave. Ça va pas répondre. On va trouver un autre numéro d'ici là. Mais en attendant, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se faire les news de la semaine en direct. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors, c'est complètement dingue. Ça se passe en Lorraine. C'est à peine sorti de sa prison. Il vole un sac à main, une camionnette et se sert tranquillement au supermarché. Donc le gars, il sort de prison et le jour même, il fait toutes des infractions que personne ne ferait. En même temps, en prison, on mange des trucs dégueulasses, t'as même pas de trucs à toi, t'as rien à toi, donc forcément, quand tu sors, t'as envie de... Enfin... Il risque juste de retourner en prison, en fait, le gars. Ouais. Donc voilà. C'est souvent comme ça, En fait, on rentre dans prison en se disant, bon, je ressortirai mieux et plus bon, et puis on finit par ressortir encore plus mauvais quand on est rentré, quoi. Mais pourtant, c'est... Pour moi, les prisons, ça salit juste les gens. Ça les rend encore plus méchants, ça les rend encore plus bandits, en fait, parce qu'en prison, voilà, ils ont des contacts qui font que. Ouais, ils sont mal influencés, tout ça. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ressortent encore pire. C'est ça le truc. Mm-hmm. C'est pareil à TMS Prod depuis que. Terence a signé avec la prod pour finir en prison, bah, il s'y sent comme dans une prison, c'est ça Non, non, franchement, non, je me sens pas comme une prison si je me sens comme chez moi. Ah, ça va, alors. D'ailleurs, un peu trop, même, je te demanderai de te rhabiller. Bon, alors... Allez, donc voilà, ça s'était passé il y a même pas quelques jours. Voilà, il est sorti après 2 mois de prison et à 19 ans, il a décidé de récidiver le samedi même en volant dans un supermarché, en piquant une camionnette et en rejoignant le logement de sa sœur du côté des Vosges. C'est dingue quand même. À 19 ans en plus. Donc à 19 c'est que, ans. C'est qu'il est rentré à 18 ans, donc c'est que donc bon, on a attendu longtemps avant qu'il rentre et puis qu'il, à mon avis, il a toujours fait des conneries. C'est ça, donc le gars devient majeur. Une fois qu'il est majeur, il va en prison 2 mois et après il ressort, il fait encore une connerie. Quand t'as 18 ans, c'est synonyme de liberté. C'était majeur, tu deviens libre. Non, lui, c'est synonyme de prison et d'indépendance. Enfin, liberté, tout le monde a sa notion de liberté. On va peut-être. Enfin, je sais pas. J'allais lancer un son, mais ce serait peut-être un peu tendancieux ou je le fais quand même. Je suis libre. Tu lis dans mes pensées, toi. Pourquoi est-ce que directement tu penses que je vais lancer du Mylène Farmer? Parce que c'est ce que tu lances à chaque fois. Ah, mais c'est ça. Bon, c'est bon? Je suis une. Oui, une. Catin. Terence. Bon. Alors, on enchaîne. C'était au Japon, un truc complètement dingue. Ils ont osé quelque chose de fou. Je te laisse 30 secondes pour essayer de deviner cette news complètement improbable. Au Japon, ils font toujours des trucs de fou. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que c'était un truc avec des proutes? Non, au Japon, vraiment, ils aiment bien ça. Je sais pas, des animaux, en rapport avec des animaux. En rapport avec des animaux? Non, pas vraiment. Non, avec de la nourriture. En rapport avec un TGV, qu'est-ce qu'ils ont fait à un TGV? J'en étais sûr. Ah, ils l'ont peint. Oui, dans quelle couleur? Mauve. Mauve, non, presque. Rose. Oh, bonne réponse pour Terence Bernard. Effectivement, ils ont peint complètement un TGV en rose à l'effigie d'Hello Kitty. Donc, c'est-à-dire que chaque siège comporte un coussinet Hello Kitty. Tous les housses sont de couleur rose et il est intégralement vêtu au niveau de la carrosserie de rose. Alors qu'il mange les chats, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est un rose bonbon complètement dégueulasse. Enfin non, ça va encore, mais... Par exemple, tu vas me dire, il y a des compagnies d'avions qui ont, par exemple, Wizz Air, ils ont leurs avions qui sont complètement roses, enfin rose mauve, mais ça va, ça passe. Par contre, quand on colle une grosse tête de chat angoissante sur le truc... Non mais, l'ambiance. Ils ont des délires bizarres vraiment en Asie. Des délires très bizarres. Ils ont des délires bizarres. Et ils adorent tout ce qui est justement se déguiser en chat, genre en Hello Kitty, en rose, avec tout ce qui est bonbon. Tu sais, un peu fort, comment on dit, candy, tu vois. Ouais, mais ils tant que les contrôleurs, ils doivent pas se déguiser, moi ça me va. Parce que imagine, un jour on t'annonce, tu vas prendre le train au Japon. Chouette! Mais c'est qu'il y a un. Pourquoi est-ce que tu me dis qu'on va prendre le train au Japon? Car tout simplement. Il y a des têtes de chat partout. Les contrôleurs sont déguisés et maquillés, même les hommes. Et crois-moi bien, c'est pas beau à voir. Donc imagine, tu vois, tu vas au Japon et tu dois te taper tout ça. Enfin, c'est marrant, ça fait partie de leur culture. Mais de toute façon, ils voyaient même pas la couleur des... Au Japon, il y a tellement de gens dans les TGV, je sais pas si t'as déjà vu. Non, c'est horrible. Tu sais que t'as des gens qui sont engagés pour pousser les gens. Enfin, oui, ça s'appelle des pousseurs. C'est dingue. Pour pousser les gens tellement il y a de gens. Dans le métro, donc c'est vraiment... Ça va comme ça. Attendez, madame, ça peut peut-être rentrer. Il faudrait que je pousse. Attendez, rentrez votre ventre. Mais je suis enceinte. Mais c'est pas grave, rentrez. Je vous accoucherai comme ça. Vous accoucherez dans le métro, c'est pas grave, allez hop, c'est parti, on y va. C'était la petite astuce du jour si vous voulez aller au Japon. Non mais ça va aller, je pense que... t'as déjà été au Japon? Non, jamais, j'ai trop envie. Non, t'as envie, sérieusement? Ah oui, ah, franchement, c'est un super beau pays. Ah. Bon, au Japon, peut-être pas dans la ville, Tokyo, j'ai horreur des grandes villes, tu sais, où il y a plein de gens, j'ai horreur des gens, en fait, de la foule, je supportais pas. Le gars, il est super otaku. Ouais, les gens, je ne les supporte non, pas. Non, les gens, j'adore les gens, justement, j'adore le contact, mais je déteste la foule, en fait. Un peu trop d'ailleurs, lâche mon bras. Quel bras? Ah, pardon, j'ai confondu. Bon, celui qui pend ou... Tu pouvais t'arrêter là, les gens avaient compris. Bon, oh Seigneur. Non, vraiment. Seigneur. Non, franchement. Je trouve ça dommage parce qu'on parle pas assez des paysages de l'Asie. On montre toujours des paysages de l'Australie, de l'Amérique. Et j'ai l'impression que l'Asie, on oublie tellement que c'est une culture, mais c'est tellement intéressant. C'est des paysages totalement différents. Franchement, j'ai une amie qui m'a montré ses photos de vacances quand elle a été en Chine, mais c'est. Franchement, je suis passionné quoi. Depuis qu'elle m'a montré ces photos-là, je rêve d'y aller. Même par exemple en France, hein, y a des paysages assez sympathiques, par exemple en Provence. Eh oui, en Provence, les végétaux n'ont pas la vie facile. Moi non plus. Putain. Ça c'est fait, merci Jamy. Non mais par exemple, il y a des petits coins de la France qui sont juste magnifiques. Combien de fois je suis parti en vacances? Oui, mais je trouve que c'est pas le même paysage qu'en Asie. En Asie, t'as des fleurs énorme, super grande, des qui fleurs, te bouffe. Des fleurs géantes. Oui, mais voilà, t'as des arbres totalement différents, t'as des paysages vraiment que tu trouveras jamais en France. En France, oui, il y a des beaux paysages, mais je trouve que ça encore assez fort proche du reste de l'Europe ou même certains endroits. Tu vois pas si t'es en France. Moi, je vois, j'ai une amie qui a été là en plage, à la plage en France, et je savais pas si elle était dans le Jura ou si elle était dans une île en Australie, ou on savait pas faire la différence. Par contre, quand tu vas en Asie, ça se voit directement. T'as des aux plantes, même aux paysages, aux maisons. Tu vois les maisons, la culture. Tu vois des SDF partout qui se trimballent avec des tonnes de cartons, et en fait, avec ces cartons, ils vivent. Par exemple, j'ai vu en Afrique les bonnes mères de famille africaines, elles arrivent à faire un truc complètement dingue. Elles peuvent porter des kilos rien qu'avec leur tête. J'ai vu, c'est complètement dingue. Ils mettent un espèce de donut comme ça, et c'est leur culture. Mais hein, en Asie aussi, comme ça. En Asie aussi, ils font donc ça. Ils ont pas besoin de caddie, quoi. L'entrée, ils distribuent des plateaux qu'ils mettent sur leur tête, ils remplissent tout comme ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les Africains sont des gens inférieurs et un petit peu bêtes, parce que mais ça non, appuie sur le crâne et ils perdent de neurones. Voilà. Donc si vous êtes africain, vous pouvez insulter Terence Bernard au plus 32 49 9 15 75. Allez. Non, c'est bon, je suis nord aussi. Oui. D'où? Mamadou? Non. Non, mais t'es noir d'où? T'es pas noir, toi. Mais non. Enfin, c'est de cheveux. Pardon, mon prénom est à des origines africaines. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens d'Africains. Je pense que t'as des origines à cause de ton prénom. Ah, mais d'accord. Je voyais. Ah, oui, j'y ai pas pensé, tiens. C'est mais je suis pas raciste, hein, au cas où je le dis, parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir de l'humour noir. Et on me dit que c'est trop long. Bon, allez, on va peut-être enchaîner. Donc voilà, ils sont complètement dingues, ils ont fait ça. Bon, ça choque personne là-bas, évidemment, puisqu'ils sont habitués. Mais ce concept a été imaginé par les Japonais. Et au final, bah, depuis les années 1970, date de la création d'Hello Kitty, toutes des choses ont été faites à son effigie. Et le train comprend même une voiture magasin remplie de produits à l'effigie d'Hello Kitty. Ils ont quoi avec Hello Kitty? Mais je sais pas, à mon avis c'est comme un dieu. Mais je sais pas. Le soir ils sont là. Ils aiment trop cet univers là, candy, bonbon en fait. Ouais, mais le soir je les vois, ils sont comme ça devant une bougie. Hello Kitty, tu es notre dieu, je t'embrasse. Ça doit être complètement dingue les soirées là-bas. Non, mais je déconne, hein, évidemment. J'aime beaucoup le peuple japonais, parce que sinon, sans eux, on n'aurait pas la moitié des choses qu'on a aujourd'hui. Et les avancées technologiques. Ils nous entendraient pas, on n'aurait pas de micro en fait. Voilà, c'est ça. Ce micro là que j'ai sous le nez, eh ben, il vient de Chine, du Japon, de Taïwan, de tout ce que tu veux. Donc sans eux, on n'est rien du tout. Bon. Merci les petits chinois qui travaillent 24 heures par jour et qui ont 12 ans. Tout merci, à fait. C'est gentil. Merci. Vous faites... En plus, on dirait trop l'accent. Merci. Merci. Oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne. On se refait une petite actualité ou on passe à autre chose, je sais pas. Encore une petite actu. Donc on est lancé, on y va. En parlant de Trump de tout à l'heure, tu trouves pas que la photo de Patrick Sébastien, là, il a un peu la même coupe que Trump? Mais... Il Patrick a les mêmes Sébastien, cheveux. Mais oui, mais il s'est coupé les cheveux récemment, donc ça va. Ça va. À mon avis, il assumait pas d'avoir une ressemblance à Trump, mais ça va, c'est pas trop la même mèche. Oui, parce qu'on a en fait un portrait de Trump ici dans le studio. De Patrick Sébastien. Bravo, grâce à toi, je veux dire qu'il y a il y a un truc à l'effigie de Trump ici dans ce studio. On a un grand poster avec lui, avec marqué. C'est ça. Puissance nucléaire. On a le FBI qui va venir nous trouver. Attends, non, je me suis trompé. Cessez d'émettre votre émission. Vous avez des portraits de Trump dans votre salon. Si j'ai un mec du FBI qui vient avec cette voix-là, mais je vais rayonner. Je lui balance mon poster dessus. Vous venez pourquoi, monsieur? Je reviens faire la plomberie des toilettes. On y arrivera. Vous êtes dans Jadoul, la première émission qui est là sur l'actualité. Et pourquoi je dis la première? Parce qu'on est tout simplement la seule émission de la journée sur Hilar FM. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire qu'on est les premiers. C'est pas con, hein. C'est pas con. Ouais, la première et la dernière. La première et la dernière. Ah non, non, puisque par exemple en pleine nuit, Hilar FM fait moins que nous. Donc on n'est pas les derniers. C'est trop compliqué pour moi. Fini les examens là. En fait. Tu veux que je te fasse un schéma? Allez, on va parler dans les Landes. C'est quelqu'un qui a fait un truc exceptionnel pour faire ralentir les automobilistes qui passent devant chez lui. Tiens, on va le refaire en mode devinette. Qu'est-ce qu'il a fait, Terence Bernard? Il a mis une voiture devant chez lui. Pas vraiment une voiture. Garé d'une certaine façon une camionnette. Non, pas une voiture, pas quelque chose. Un objet. Il a mis un objet. Un arbre. Pas un arbre. Il a planté un arbre. Est-ce que c'est un truc végétal? Non. Un objet de décoration? Pas de décoration, normalement. Une barrière? Pas une barrière. Est-ce que c'est un truc qui tombe sous le sens? Sur une autoroute, oui, tu en trouves beaucoup. Bah, des cônes. Non. Ah, il a mis une truc du genre travaux ou quoi? Non, il a mis quelque chose que les policiers ont d'habitude. Ah oui, un flash. Un flash. Il a mis un flash, mais un faux flash. Un faux radar, voilà, c'est ça. Ah oui, ok. Donc, il installe un faux radar devant chez lui. Bravo, tu as deviné avant la fin des 30 secondes. Tu gagnes un manche-palot. Donc, le pire, c'est qu'il va vraiment le chercher. Il est pourri en plus, je crois. Non, il est pas pourri, on l'a ouvert là. Mais il y en a même pas. Si, il y en a un. Il en reste un. C'est rien que pour toi. Il en reste trois. Trois ? Ouais. Mais file-moi-en un. J'espère vraiment pour toi qu'il est pas pourri. Non, mais tu peux goûter, il est bon. Je te remercie, mais je mangerai ça hors antenne. En fait, lui, il a englouté le truc, ça va ? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, il n'y en a pas. Ok, donc en fait, c'est un automobiliste, il s'appelle Philippe, et il n'en pouvait plus de voir des voitures débouler devant chez lui au-dessus de 50 km/h. Donc cet habitant d'Azur, dans les Landes, a donc décidé de passer à l'action. Et face au refus des gendarmes et de la mairie de construire un ralentisseur à proximité de sa maison, il a décidé d'installer un radar fictif au niveau de son portail. Et donc l'objectif est de ralentir les automobilistes, et ce radar n'est pas signalé sur les téléphones portables, donc bien sûr ça fait ralentir sérieusement les automobilistes. Et il y a ceux qui connaissent l'endroit plutôt. Ben non, justement, ils sont surpris, les gens qui passent là, ils voient un radar un petit peu réfléchissant, parce qu'il a même mis des miroirs et tout, comme les vrais, donc ils sont là, ah, il y a un radar, et ils ralentissent comme des malades. Et comme ça, ils freinent d'un coup, et celui derrière, pan. Comme ça, il y a 20 accidents devant chez lui chaque jour, imagine le truc. Et donc, aucune loi interdit son installation, il a parfaitement le droit de mettre ça devant chez lui, donc le gars est vachement malin, il connaît bien la loi, contrairement à certaines personnes qui faisaient partie avant cette émission. C'est quand même incroyable que dans ces pays, on est obligé de faire une demande pour mettre un radar. Et que ce soit refusé, il faut se battre pour demander de mettre des ralentisseurs. Alors que chez nous, c'est le contraire. On se bat pour supprimer quelques ralentisseurs et ils nous en foutent toutes les deux secondes, quoi. Non, mais ça coûte cher quand même. Mais une vie, ça coûte encore plus cher, je crois. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai, là, je suis d'accord. Bien, c'est une belle parole de Terence Bernard. Je l'applaudis. Ça n'arrive pas tous les jours. Bravo à toi. Et on rappelle. Ah oui, en plus, je l'ai noté en grand sur ma feuille de l'émission. Ne rigolez pas trop à notre émission au volant, parce que ça peut être dangereux. Et voilà. Donc, si vous voulez nous écouter, vous vous arrêtez durant 2 heures, parce que c'est drôle durant 2 heures. Ou pas. Je survends peut-être un peu l'émission. Non, mec, on fait light, hein, parce qu'on est écouté à moitié, étant donné qu'il y a le foot en face. C'est un peu compliqué de faire de bonnes audiences quand il y a le foot. Donc, on est quand même là pour ceux qui n'aiment pas le foot. Ouais. Comme Corentin, tiens, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de lui, on va essayer de l'appeler en direct. Au moins, lui, on est sûr que ça va répondre. Alors, on va l'appeler comme ça, on va essayer de voir où il en est, parce qu'il a dit qu'il nous rejoindrait d'ici la fin de l'émission. Le gars, il a son autocollant Jadoul sur son propre téléphone, quoi. Oui. Son prénom. C'est moi, c'est comme si je mettais Terence Music. Non, mais il faut faire de la pub, hein. Alias Jésus. Non, ah oui, merde, j'ai oublié, on doit appeler quelqu'un pour lui faire gagner un autocollant. Ah oui. Ah oui, zut, bon, on l'appellera juste après. Allô ? Oui ? Ah, c'était le magnifique allô que j'ai fait, j'en suis très fier, je le découperai, je le garderai. Ça va, Corentin ? Ça va et toi ? Nous sommes en direct, ça va ? Tu arrives, peu près ? Ça va. J'essaye. T'es toujours dans ton deuxième métier de taxi, en fait ? Quoi ? T'es toujours dans ton deuxième métier de taxi ? Voilà, entre guillemets. Mais là, je pense qu'il est plutôt dans son lit. Non, il est pas dans son lit, il est vraiment en voiture. On entend d'ailleurs derrière la voiture. Et comme le son est tellement pourri, on peut dire qu'il est en kit main libre. C'est pas vrai ? Exactement. Ben ça va. C'est vrai. Et tu seras là d'ici combien de temps à peu près ? D'ici 22 heures, c'est possible ? C'est une excellente question. Ah, tu sais pas ? Parce qu'à 22 heures, c'est fini en fait. Hein. Sans blague. C'est pas lui ? Si, c'est Terence, mais tu peux pas le reconnaître, il est pas habillé comme d'habitude. Par téléphone, c'est très utile cette info. Hein. Donc tu sais pas nous dire à peu près ? Vraiment pas, non, désolé. Mais t'es pas en Alaska, tu sais quand même à quelle distance t'es du studio ? Comment dis-tu ? Il est bouché. En plus, je veux dire, t'es pas à l'autre bout du monde, tu sais à peu près à quelle distance tu es du studio ? Ah bah, une distance à peu près beaucoup de kilomètres. Merci beaucoup, Corentin. T'es à quelle ville, là ? Ouais, t'es dans quelle ville ? C'est même plutôt beaucoup de kilomètres, 0,54. J'ai rien compris. Beaucoup de kilomètres, 0,54. Pour être précis, voilà, d'accord. Merci, Corentin. Ça se trouve, il est juste en dessous, en fait. Voilà, en fait, ça se trouve, il est devant le studio, il est à l'IRFM, là, il veut juste pas sortir de sa voiture. Klaxonne un coup, si on entend le klaxon, ça veut dire que t'es là. Ah ouais, il le fait vraiment en fait. Bah oui, il est génial. Bon allez, je te remercie Corentin. J'ai des gens tout autour de moi sur la route qui me regardent bizarrement. La Belgique a gagné encore. Non, ils ont pas joué. Non, il s'en fout du foot, Corentin, il s'en fout. Mais les gens ne le savent pas. Complètement. Quoi, t'aimes pas du tout le foot, t'es comme moi en fait. Ah non, bah écoute, des gens qui jouent après un ballon, qui courent après un ballon, mon chien sait le faire, sauf que lui, mon chien, il va payer des millions. Que ça clash. Non mais je veux dire, non mais même devant un grand écran ou regarder le match de la Belgique, tu le fais pas? Mais regardez, c'est nul. Devant un grand écran, un petit, c'est pareil. C'est mieux jouer. C'est mieux de jouer, effectivement. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop mon regarder le foot. Mon chien, il quand même pas payer des millions pour courir après un ballon. Moi j'aime pas regarder le foot, mais quand c'est devant un grand écran. Mais parle dans ton micro Terence, que t'es con. Moi j'aime pas trop le foot à regarder comme ça sur la télé, mais quand c'est devant un grand écran avec des bières et des amis et l'ambiance et tout, c'est plutôt pour l'ambiance que j'aime bien quoi. Mais sinon c'est vrai que je préfère y jouer. Ah bah oui, moi aussi j'adore prendre des bières sur la gueule pendant les matchs. Et le pire c'est que ça m'est vraiment arrivé hein. Bah très bien, mais je vais pas te déranger plus que ça Corentin et te laisser naviguer vers le studio progressivement étant donné qu'il te reste on ne sait pas combien de kilomètres et demi. Exactement. Donc bon courage et tiens-nous au courant, tu peux nous appeler quand tu veux, on te basculera à l'antenne automatiquement, d'accord? Ok, d'accord. Je te remercie, à plus Corentin. Oui. Voilà, c'est le seul membre de l'équipe qui arrive quand même jamais à l'heure dans l'émission. Je pense qu'il ne viendra pas. Hein. Si, mais c'est déjà arrivé combien de fois qu'il vienne genre à 21h40. C'est le mec, il arrive toujours là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Émission radio? D'accord. Le gars, il vient, il découvre quoi. Alors, on va vous faire un petit point info d'ici quelques instants, la question de la semaine, et également, on va faire encore un petit tour du côté des États-Unis. Après avoir parlé du chien le plus moche au monde, on va vous parler d'une femme qui a fait quelque chose de complètement con à nos yeux. Enfin, honnête, mais débile. Vous allez voir, c'est assez tendu. C'est assez marrant d'ailleurs. Terence, tu restes avec nous jusqu'à 22h? Effectivement. De toute façon, t'as pas le choix, t'es sanglé à la chaise. Donc, le mec, il fout la pression, on sait pas pourquoi. Mais bon, tu trouves pas qu'il fait une chaleur ici? Moi, je suis en Marcel de PD, alors. Non, déjà, PD, ça se dit pas, c'est homophobe. Oui, c'est vrai. Retire ce que t'as dit. Je retire. Mais même, il n'y a pas d'habits pour les homosexuels, voilà, pour les hétéros. Voilà, on s'habille comme on veut. Il n'y a pas d'habits pour. Tout à fait. Pour une orientation. Le mieux, c'est de mettre du Patrick Sébastien pour oublier ça. Il fait Merci. Bon, je pense que c'était pas la meilleure des transitions, mais ça en a fait une quand même. Ça, c'était mon jingle qui est parti tout seul en fait. Comme Kylian. Ça c'était très petit. Allez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'écoute un titre que j'adore en ce moment, c'est Hey Girl. Tu connais? Hey Girl. Yeah. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. On s'écoute tout de suite sur Hilar FM. Nous sommes en direct. Hein. J'ai encore bouffé l'intro, mais on a l'habitude. Bienvenue à vous, vous êtes dans Jadoul, je me présente si vous me rejoignez pour la première fois. Je suis là tous les soirs de 20h à 22h durant l'été avec Terence Bernard, le fidèle chroniqueur de cette émission. Eh oui. Le petit eh oui de bonjour, c'est le Père Noël. Tu veux des cadeaux? Voilà, c'était le moment angoissant de Terence Bernard. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h sur Hilar FM. Et si on se faisait un petit jeu des 5 mots juste après avoir appelé un auditeur de l'émission? Tu l'as fait, tu me l'as fait deviner ou je te l'ai fait deviner encore? Non, je vais te les faire deviner. D'accord? Ok. Et ou alors, on fait autre chose. Je prépare le jeu des 5 mots lors de la prochaine coupure musique. Ouais. Et comme ça, je fais jouer l'auditeur qui est avec nous par téléphone. Ouais, il fait ça maintenant. Comme ça, s'il gagne, on lui offre un autocollant de l'émission et des autocollants de la radio. Et voilà, on fera ça comme ça dans quelques instants. On va l'appeler. Ne t'inquiète pas si tu nous écoutes depuis ta radio. En tout cas, nous, ce qu'on va faire maintenant, tout de suite, c'est la dernière actualité de la semaine. Ah non, j'ai la flemme du jingle, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis seul que le mec qui a la flemme de mettre un jingle parce qu'il est long. Il faudrait que je fasse un jingle plus court. Attends, je pense qu'il y a moyen d'avoir un jingle plus court. Attends, j'en ai peut-être un. C'est la minute info. C'est parti. Allez, aux États-Unis, une femme, la femme d'un détenu, libérée par erreur, le ramène à la prison. Donc la femme... Attends, la femme d'un détenu, donc le détenu a été libéré par erreur, et sa femme, elle lui a dit, attendez, gardez-le, il range rien de sa chambre, il fait que regarder le foot toute la journée, moi j'étais bien sans lui, allez, gardez-le. En fait, le truc de dingue, c'est que le détenu avait profité d'un quiproquo pour s'échapper de la prison du comté de Mesa dans le Colorado aux États-Unis, et il a rapidement été reconduit à l'établissement pénitentiaire par... sa femme. Trop sympa. Il sait pas sortir de la voiture ou quoi, enfin. Non, mais le gars de 38 ans n'aura connu que 2 heures de liberté, relate l'agence AP, critiquant le journal local, étant donné que les faits se sont déroulés fin du mois de mai, et son épouse a dans un premier temps été surprise de le voir rentrer à la maison, mais quand elle a compris dans quelles circonstances son mari avait quitté la prison, elle n'a pas hésité à prendre les choses en main. Donc en gros, ça fait: chérie, t'as quitté la prison, tu l'as pas fait comme il fallait, tu rentres à la prison. Donc elle est même pas là, oh t'es là, je suis trop content. Ouais, c'est ça, c'est trop sympa, quoi. C'est, mais ouais, c'est chaud quand même. Là, c'est un peu chaud. Et puis le gars, il se laisse faire. Enfin, c'est pas normal. Il a calé Terence, je lui ai montré la tête du détenu. Il a fait ah ouais. Ça va, il est pas dégueulasse. Enfin, Thomas, calme-toi. Non, mais je veux... Ah, t'aimes les prisonniers 50 mais non, je veux dire, il a pas une tête de tueur, quoi. Quand tu le croises, tu as. Il a une tête de pédophile quand même, hein. C'est vrai. Tu le connais ? Il ressemble fort à du trou. Ouais, c'est marrant parce que Terence, c'est la personne qui me parle le plus de pédophile de tout mon entourage, et c'est quand même lui qui est animateur pour des petits enfants. C'est ça qui m'angoisse beaucoup. Regardez les faits divers, vous aurez des nouvelles de Terence. Bon. Donc il a été libéré par erreur, et finalement, il a été vite remis en prison. Donc voilà, t'aurais été sa femme. Enfin, ça c'est compliqué. Imagine, ta femme sortirait de prison. Et elle dit: chérie, je suis rentré à la maison. Tu fais: ouais. Et tu lui dis: mais comment t'es sorti de prison? Bah en fait, j'ai profité qu'ils se sont emmêlés les pinceaux pour me barrer. Qu'est-ce que tu ferais? Ça dépend. Attention, ça on va mettre un peu de suspense. Ça dépend de la circonstance. Ce qu'elle a fait pour aller en prison, si je lui pardonne ce qu'elle a fait. Si j'ai une autre femme depuis et que... Enfin voilà, si j'ai rien contre elle, bien sûr que non, que je vais pas aller la rapporter en prison. Enfin, si... Forcément, quoi. Mais il y a des fois des couples comme ça qui se cassent parce que le mari, je sais pas, justement, a violé des enfants, et donc la femme lui pardonne pas, il va en prison et voilà. Mais c'est vrai que si le mari est rentré et que la femme voulait absolument pas le voir, forcément, moi je l'aurais ramené en prison aussi. J'aurais dit: bah tiens, reste-y, quoi. Ça dépend, franchement, ça dépend des circonstances. Et donc il a été confondu avec quelqu'un qui se trouvait en garde à vue juste pour des faits de menace, et il a été confondu donc avec le type qui a quand même fait des crimes bien plus graves que ça. Et donc c'est un peu une évasion involontaire, si j'ai envie de dire. Donc c'est complètement dingue. Mais il aurait pas été vraiment puni s'il était parti ici. C'était les gardiens qui se sont trompés au final. Donc c'est vrai que c'est eux qui sont en faute. C'est eux qui sont en faute. On va faire la petite question de la semaine, tiens, si t'as envie. En fait, je vais lancer un sujet et on va débattre un petit peu là-dessus. Ça te va? Oui. Lui, il est chaud, de toute façon, il est là, il me regarde, allez, vas-y, balance ton truc. Il m'angoisse beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on t'aime bien. Tiens, non, tiens, rien du tout, lâche tout. Voilà. Ça, c'était très sexy, bravo Terence. Ah, je pensais que t'allais continuer en playback. En a cappella, mais c'est pas grave. Va faire ça à Acapulco, c'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, donc, c'est ce que je t'ai dit, la question de la semaine. Si tu me laisses le temps de prendre le jingle, t'es d'accord? Oui. En fait, donc, je meuble. Hein, c'est ça, tu meubles en fait. Je change la chaise, la table, on va la mettre comme ça. Voilà, donc t'as trouvé le jingle? Non, toujours pas. Je l'ai. Super, bon, voilà, vas-y. La question de la semaine. J'adore le jingle, je sais pas pourquoi je suis à fond dedans. Alors, est-ce que toi ça t'arrive de temps en temps d'avoir des pertes de mémoire? Mais genre des pertes de mémoire? Ah oui, ben oui. Mais moi c'est pas ça, mais au début je me suis dit: allez, ça arrive à tout le monde d'oublier des trucs. Mais des fois, je me retrouve face à certaines des personnes. Des journées comme ça où tu te rappelles de rien. Et tu essaies de raconter un truc. Et donc avec ce truc là que tu trouves pas, t'essaies de trouver d'autres mots qui pourraient l'expliquer. Mais même ces autres mots tu les trouves pas, quoi. Et donc du coup tu sais... Donc tu débats avec l'autre pour essayer que lui-même t'aide à trouver ce mot pour trouver le mot que tu veux. Oh, Le pire, c'est à la radio quand je suis là et que je veux lancer un truc, mais en mode: je sais plus ce qu'il fallait lancer, je vais meubler. Alors du coup tu meubles durant 3 minutes et après tu te poses et tu dis: bon bah écoutez les gars, j'ai pas trouvé ce que je devais dire. Ouais, ça m'arrive aussi ici à la radio. Et donc voilà, je vous en parlais au début d'émission, je savais même plus quel année on était. Et donc voilà, ça peut arriver régulièrement. Moi l'autre fois j'étais face à quelqu'un et je lui dis: mais... Je te connais les prénoms. Je te connais de quelque part, mais je ne vois plus plus du tout. On est dans la classe depuis le début de l'année. Mais qui es-tu? Non, c'est vrai que quand, au moment où il fallait retenir des prénoms à l'école, je n'y arrivais jamais. C'est-à-dire que il me fallait au moins 3 mois et les gars ils me supportaient plus à la fin. Ils étaient là, oui bon écoute, il faudrait peut-être que tu retiennes comment prénom c'est Étienne. Ouais, mais tu sais que moi mais les enfants que j'ai animés pendant un an entier, les a réanimés après. Chaque semaine, ben je connais toujours pas leur prénom. Alors, toujours pas. Hein. Normal, j'en connais 2-3 et puis c'est tout. Mais j'ai une centaine d'enfants et chaque fois les mêmes chaque semaine. Mais normal, tu commences par les animer, ensuite tu les réanimes, ensuite après tu les réanimes et après c'est le défibrillateur. Après je les mets devant des dessins animés et puis. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu sais à partir de quel âge un enfant peut commencer à regarder un écran? C'est 4 ans, 4-5 ans. Un an au moins. 3 ans. 3 ans. À partir de 3 j'en ans. Parce que avant 3 ans, c'est pas bon pour leur. C'est ultra ouais. Mauvais. Je sais. Je sais bien. Tu regardais de la télévision étant petit avant 3 ans? J'en sais, moi, avant 3 ans, on se rappelle de rien. Non, mais je rigole, mais bon. Je me rappelle que je regardais beaucoup les. Ça va être gênant. Je sais pas pourquoi il y avait des. Attention, ça va être gênant. Non, pas du tout. Ah. Non, c'était des dessins animés en fait avec de la musique classique. Parce que quand j'étais petit, j'étais fan de musique classique et je dansais dès que j'entendais du Beethoven ou de Mozart. Je sais pas pourquoi. Et donc je sautais, je tournais. C'est là que ça vient cette habitude de mettre un tutu. Non, c'est là que ça vient, c'est l'habitude à vouloir danser. Je pense que ça tourne. Ah petit. Ouais. Et t'es toujours dans l'univers de la danse? Ben là, cette année, on a oublié de me réinscrire alors que ça fait un an que je fais plus de danse. Mais ouais, d'où ce léger laisser aller physique. Bon. Oh non, j'ai fait plein d'autres choses. Mais bon, bref. Et donc, ouais, c'était un dessin animé avec des petites marionnettes comme ça, c'était drôle. Donc, oui, d'accord. je regardais. Ok, y a pas de souci. Mais donc, pour revenir aux pertes de mémoire, c'est complètement dingue. J'ai un ami, il a limite son meilleur pote, c'est l'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il va être là en mode bien, là, ben, je te reconduis chez toi, on part dans la voiture. Quand on arrive en ville, puisqu'il faut traverser la ville pour me ramener chez moi, il va être là, bien. Moi, je dis, mais tu vas par où? Ah oui, c'est vrai, il fallait aller chez toi. Oui, un peu, pour me reconduire. Oui, c'est vrai, ça, t'as raison. Mais c'est... Même le nom de ma propre copine, ça m'arrive de l'oublier. Et je dis, alors, quand tu dis parce nom que tu changes d'autre fille, et après, elle dit, c'est qui elle? Parce que tu changes chaque semaine, alors. Ou bien ma soeur qui a des 3 fils. Quand elle veut crier sur, quand elle veut réprimander son dernier fils, le tout petit, elle dit Mathéo, Alexis, Terence, comment il s'appelle lui encore? Ah oui, Liam, mais oui, c'est mon fils. Non, le pire, mais je l'adore, mais je l'aime, mais c'est mon grand-père. Ah, c'est gentil. Il confond tous mes cousins avec moi. Donc du coup, il fait ah salut Clara. Thomas, il fait toute la famille avant de trouver mon ouais, nom. C'est ça. Mais c'est juste, je l'aime beaucoup. Hein, ça me dérange pas de l'aimer malgré ce problème. Ça me dérange pas de l'aimer. Non mais je veux dire, c'est pas pour c'est autant. Trop triste. Non mais c'est pas pour autant que je l'aime pas quoi. Mais je veux dire, c'est juste trop drôle quoi. Et alors là, je suis là à chaque fois, je me retiens de rire, mais je suis là et je fais oui, moi c'est Thomas. Oui, mais c'est juste parce que je suis distrait. Hein, tu m'en veux pas du tout. Non mais voilà. Non mais c'est sympa. Et puis ça arrive à tout le monde. Hein. C'est déjà arrivé, par exemple même à la voix off de cette émission. Quand la voix off a fait ses adieux à l'antenne, au lieu de dire salut Thomas et l'autre personne qui était présente, il a fait salut Thomas et Curtis. J'étais là, c'était pas lui qu'il fallait dire, surtout pas lui. Donc, du coup, j'étais trop mal à l'aise. Et voilà, mais ça arrive à tout le monde des petites erreurs. Hein. Oui. Plus à certains que d'autres. Moi, je suis parfait. T'es parfait. Et je peux te payer. À partir du moment où t'arrêteras de mentir. Ça, c'est fait. Quelque chose à dire? Absolument pas. On est dans une radio, mais on n'a rien à dire. On va rendre l'antenne. Mais qu'est-ce que... Wow, il est 21h30, moi je pensais que c'était bientôt en fait. Je pensais que c'était dans 5 minutes la fin de l'antenne. D'accord, en fait toi t'as déjà envie de te barrer. Bon, autant c'est passé... La politesse demandé, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Visiblement t'as pas attendu toi. Hein. C'est passé super vite la première heure, mais là je pensais que c'était... Un peu plus tard quand même. D'accord, y a pas de souci. On est sur Hilar FM. Hilar, c'est bien le nom. Je confirme. Et Corentin, il est toujours pas là. Corentin, non, mais il va nous rappeler dans quelques instants. Le téléphone est là, le standard aussi. Donc il y a moyen d'avoir des informations le concernant sous peu. Je sais pas quand, mais on en aura. Prochainement, je sais pas du tout, hein, je vous le dis, mais ça va arriver. On est d'accord? Oui. Merci. Merci. Voilà, allez, on va s'écouter tout de suite un petit titre si tu le veux bien. Qu'est-ce qu'on a là sous la main? Qu'est-ce qu'on avait dans la suite là? Ah, j'adore. Angèle Latune, t'avais dit. Ah Ah oui, j'ai oublié. On se le cale juste après, si tu veux bien, d'accord ? Ok. On va s'écouter d'abord Oshi, Femme à la mer. C'est son nouveau titre qui vient de sortir. C'est dans la même optique que son précédent, La Marinière. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Vous êtes sur LRFM, nous sommes en direct. Je me cigare comme une cubaine. Mais c'est juste génial ce titre, t'es pas d'accord avec moi ? Ah si, j'aime trop. Ouais, c'est franchement j'aime trop, c'est nouveau, j'ai noté, mais... ça vient de sortir et vous l'entendez déjà sur les pire de toute façon c'est pas bien grave. C'est très incertain et assez flou. Oui, mais c'est un petit peu toute l'émission qui est comme ça, Terence, je te rassure. Allez, c'est parti, vous êtes dans Jadoul, merci d'être là. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Je vais composer le numéro de téléphone d'un des auditeurs de cette émission qui est complètement à fond dans l'émission depuis qu'il l'a découverte et il l'aime beaucoup, donc j'ai reçu un snap assez sympa de sa part, donc je vous propose de l'écouter. On va l'appeler directement, ce sera plus simple, comme ça on va le faire jouer au jeu des 5 mots. Allez, c'est parti, je retrouve son numéro de téléphone, il est peut-être quelque part, si je l'ai sur le conducteur de l'émission. Voilà, ça c'est quand on peut pas faire le standard en même temps que faire l'animation de l'émission, vous voyez, c'est un petit peu toujours c'est anarchique, hein, ou alors compose le numéro, ça m'arrangerait. Moi ça, ouais, tu arriveras à le faire ça avec tes gros doigts bouginés. Avec le tien ou le mien? Non, avec le standard ici que t'as dans les mains. Voilà, je te passe la ligne et je te passe le numéro de téléphone qui se trouve juste ici en bas de la feuille. Remonte le doigt ici. Parfait. D'accord. Tu as ce numéro là et dès que tu l'as, tu me fais un petit signe. En attendant, moi je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission hashtag Jadoul, le mettre dans vos stories, comme ça fait toujours un petit peu du bouche à oreille et on demande que ça. Et puis je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça me fait vraiment un immense plaisir. On va se réécouter la cassette de Jadoul d'ici quelques instants, ou voire même tout de suite. On met pas jingle, on le connaît, hein. Saurez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Voilà, on se l'écoute maintenant tout de suite. C'est la cassette de ce mardi 26 juin 2018. Mais justement, dites-le nous si vous voyez un petit peu ce que c'est et m'éclairez, ça m'arrangerait. Même moi, je n'ai pas le nom. Hein. J'ai ici cassette 26 du 6 sous les yeux et je n'ai pas du tout le titre. Donc, même moi, si je perds le fichier réponse, je n'ai rien du tout. Donc, ça sera un petit peu la galère. On va appeler tout de suite un auditeur par téléphone pour essayer de lui faire gagner l'autocollant de la radio. On l'appelle en direct. Je sais pas du tout dans quel coin de la France on appelle. Hein. C'est ça qui est marrant. Allô ? Allô, bonjour, comment ça va ? Ça va, merci, toi ? Ça va, t'es en direct à la radio. Si elle est derrière toi, je te propose de la couper. Alors, c'est coupé. C'est parfait. Ça te dit de jouer au jeu des 5 mots pour gagner un autocollant de l'émission ? Bah ouais, vas-y, avec plaisir, hein. Moi je suis chaud pour tout. C'est parfait, on lance le jingle, c'est parti. Qui en trouvera le plus face au chrono ? C'est le jeu des 5 mots. Allez, c'est parti, on part pour 30 secondes, je prends mes mots, c'est toi qui as mes mots, Terence, sur la feuille. Voilà, t'as encore piqué mes mots, enfin, comme d'habitude, tu voles tout. Voilà, bravo, félicitations. Non, il me passe la seule feuille où il n'y a pas les mots. Il est doué. Je te remercie, c'est parti, on lance les 30 secondes. Alors, c'est quelque chose que l'on a généralement dans toutes les maisons, on mange dessus. Qu'on mange dessus des assiettes, d'une table. Voilà, une table, bonne réponse. Ensuite, c'est quelque chose qu'il y a dans Fort Boyard qui sert à mesurer le temps. Un sablier. Bonne réponse. C'est quelque chose que l'on a au bord d'un évier. Au bord d'un évier on a le robinet. Non, de Marseille, quelque chose de Marseille. De Marseille. Le savon de Marseille. Bonne réponse. Et voilà, le temps est écoulé, il reste encore deux mots. Allez, je suis gentil, je t'accorde encore 10 secondes. Ah, c'est gentil. Ouais, je suis vraiment gentil. Allez, c'est parti. On repart pour 10 secondes. C'est quelque chose qui sert à lier des feuilles entre elles. À lier une agrafeuse. Non, une agrafe, c'est bon, c'est déjà bon. Et c'est quelque chose qu'on a sur les chantiers avec un bras. Avec un bras, avec tractopelle. Ouais, presque. Un tractopelle, une pelle, une pelleuse. Une pelleteuse, c'est une bonne réponse, je prends quand même. Allez, on va dire que c'est gagné, bravo à toi. Merci. Voilà, on va dire que c'est gagné. Pardon, je dis il est tout heureux. Ouais, il est tout heureux. Mais c'est ça qui nous fait très plaisir. Bah voilà, je te remercie d'avoir joué avec nous au jeu des 5 mots. Ben merci. C'est très très bien. Je vous écoutais, j'ai écouté les podcasts samedi. Je vous ai connu samedi et franchement, j'ai kiffé. C'est trop trop bien. Je te remercie, ça me fait gentil. Vraiment plaisir. C'est gentil. Eh bien, ça, vous venez de Belgique, moi je viens de France. Franchement, c'est bien. Ben voilà. Ça, ben... Mais ça se voit que vous avez l'humour des Belges. Ça, je sais pas comment on doit le prendre. Vous sentez votre humour. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'on n'est pas très fin. C'est vrai que j'entends souvent des Français que les Belges, ils ont un humour particulier apparemment, mais je sais pas. Ouais, mais les Français, ils ont un humour que j'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs, la trois quarts des humoristes qui sont diffusés sur Ilar FM, c'est des humoristes français. Donc voilà, mais... L'accent, est-ce que ça s'entend fort que j'en ai un ou pas ? Chez moi, oui. Hein. Chez toi, oui, ça s'entend, mais est-ce que chez moi, ça s'entend ? Alors, Thomas, non. Non, franchement, non. Ah, c'est gentil. Et moi ? Toi, Terence. Alors, oui, on l'entend beaucoup. Et clac, ça c'est fait. Bon, je te remercie pour ton avis et on te rappelle après l'émission pour avoir tes coordonnées ou tu m'envoies un petit message sur Snap, c'est pareil, d'accord ? Je t'envoie un message sur Snap alors. C'est parfait, je te remercie. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Armand à l'instant sur l'antenne d'Ilar FM. Ça m'a fait très très plaisir ce qu'il a dit quand même. Ouais, moi aussi. Comme quoi. J'avais un bel accent. Par contre, toi, tu t'en es pris plein la gueule. T'en as pas eu un truc de bon. T'sais. Non, mais voilà, je suis très content d'avoir quand même des auditeurs comme ça avec nous qui nous suivent. Mais c'est dingue parce qu'il y a quand même. Quelques auditeurs comme lui qui laissent leur numéro de téléphone et tout ça et qui me contactent, mais il y a une énorme masse de personnes silencieuses qui écoutent l'émission et qui ne disent rien. Et c'est seulement quand je croise dans la rue des gens qui me disent « Ah oui, mais j'écoute. » Je dis « Ah bon, mais tu t'es jamais manifesté ? » ?»« Ah ben non, ben je n'ose pas et tout ça. Ben, » Pas de souci, hein. C'est pas comme si le standard explosait, on a 4 messages par heure. Donc c'est juste facile de nous avoir en ligne et c'est ça justement... Le but premier, pourquoi est-ce que j'ai créé cette émission, c'est pour vous donner la parole en antenne, c'est un libre antenne, vous nous appelez, hop, directement, on vous bascule à l'antenne, n'est-ce pas Terence ? Surtout quand je suis en retard. Terence, t'es où ? T'arrives quand ? Corentin, t'es où ? C'est ça. À 50 km, virgule. Je suis gentil, je ne dis jamais rien quand vous arrivez en retard, je vous donne juste des coups de pelle. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, est-ce que tu es prêt pour la suite ? Calme-toi Terence. À défaut de nous foutre un râteau... Un râteau, une pelle, ça c'est très drôle, Terence. Merci. Merci. Donc c'est ça gentil. En fait l'humour belge. Quand il me fait des petits compliments comme ça. Ah, on te fait des petits compliments, t'es content. Oui. Il est content. J'adore. Ouais, t'as des cheveux de merde. T'es beaux cheveux. Non, ça va aller. Ça va aller. J'ai gagné les élections quand même grâce à ça. Hein. En faisant ce discours-là. Attends, je pense que j'ai un enregistrement de ton discours d'élection. Ah oui, c'est pas mal, effectivement. Bravo, Terence. Allez, je vous propose qu'on s'enchaîne directement maintenant avec... Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Oh oui ! C'est le dose du jour. Il fallait que je vous en parle. C'est Gérard Depardieu. Tu connais ? Ah bah oui. Évidemment. Bah il est belge. Non, il est pas vraiment belge. Il est surtout français. Il est belge. Il s'est approprié la nationalité belge pour... Il est belge. C'est une imitation de Gérard Depardieu ? Absolument pas. Ah, parce que c'était très raté si c'était le cas. Non, bah non, il parle pas comme ça, lui. Ok, très bien. Donc, je l'annonce officiellement. Et je refais sonner ma cloche. Bon, il ne sonnera plus, là. Je pense que je l'ai un peu bousillé. Mais, en fait... C'est pas grave, t'es déjà sonné, toi. Je suis déjà sonné. Merci. Allez, on avance parce que là il est quand même 22h46, c'est pas possible quoi. Terence, tu es insupportable, tu le coupes tout le temps. Bah, voilà, là tu prends la parole depuis tout à l'heure, il t'écoute en plus, il te coupe même pas ton micro. Et là t'es en train de meubler à l'antenne alors que t'es censé faire un jeu de dose du jour et tu continues à parler et les gens t'écoutent en plus. Et voilà, et les gens continuent à m'écouter. C'est drôle quand même parce que là ils me regardent en souriant mais ils retirent quand même pas mon micro quoi. Et je peux continuer encore. Voilà, c'est bon, je pense que si je le sors de l'antenne, on en aura plus marre de lui. Enfin, en tout cas, ça va essayer de m'éviter de le virer prochainement. Voilà, on a même un jingle qui correspond bien à Terence. Suite à un incident technique, votre programme est involontairement interrompu. Je mettrai ça à chaque fois avant que tu parles. Ce serait super sympa, non ? Ah, encore un petit coup de pelle, c'était gratuit. Allez, on va s'écouter quelque chose que Gérard Depardieu a dit. C'est un monstre sacré du cinéma. Gérard Depardieu était en Belgique hier soir avec son humour belge. Référence à Armand, invité d'honneur du Festival International du Film de Bruxelles. Il a également reçu la médaille d'honneur de la ville. Pour rappel, il s'était installé il y a quelque temps en province de Hainaut et une équipe RTL Info l'a rencontré. Et là, crois-moi bien, il a juste été fidèle à lui-même avec un franc-parler. qui lui correspond à 100%. Je vous propose d'écouter, c'était hier à Bruxelles. Déjà que je peux déjà me déplacer à sortir, heureusement je prends des scooters et que je suis en casque et que la police m'aide. Alors vous n'allez pas vous y mettre. Hein, vous allez me foutre la paix quand même, ok, même si... Qu'est-ce que vous aimez à Bruxelles, monsieur Depardieu ? Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions, ça me gonfle, ok ? Merci les gars, merci. Et là, ce qu'on n'entend pas, c'est que les confrères d'RTL Info CNews du groupe Canal+, ont eux un autre enregistrement qui montre la suite du dialogue qui est encore plus violent et qui demande carrément aux personnes, aux journalistes de quitter la salle tellement le gars en avait ras le cul de voir des journalistes. Donc merci Gérard Depardieu pour cette superbe sympathie. Mais j'aime bien ça, mais justement je trouve ça super intéressant parce qu'on sait tous que ben, en fait ils en ont tous marre, mais lui au moins je trouve ça intéressant en fait de... Je l'admire pour ça. Mais il y a des journalistes plus sympas qui lui posent des réelles questions à Gérard Depardieu, comme l'interview que Laurent Ruquier a eu avec lui, qui lui demandait « Les hommes aiment votre poitrine !» Bon, ça c'est fait, c'est gratuit. Oui, bon, non mais allez, sérieusement, mais non, mais ça doit être fatigant et pelant quand même de toujours avoir les mêmes journalistes qui, en fait, ils posent tout le temps les mêmes questions. En plus, j'ai remarqué, c'est toujours les mêmes questions. Ouais, tu peux remarquer un chanteur, on va toujours lui poser comme question quelles sont tes inspirations, comment as-tu débuté, comment voilà, les mêmes questions. Mais c'est ce que les gens veulent savoir. Le gars, il demande rien du tout, il veut juste promener son chien et t'as 150 000 micros qui vient près de lui. Hey, monsieur Gérard, t'imagines quand même. Voici ce qu'on devrait dire. Je comprends quoi. Voici ce qu'on devrait dire quand même à tous les journalistes de France et de Belgique. Vous oubliez la vie autour de vous là, elle existe, elle fonctionne. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai ce son là dans mon cartoucheur et ça c'est sympa. Vous oubliez la vie. C'est bien vrai. Allez, on va peut-être s'enchaîner. Ah oui, d'ici la fin de la saison, on a encore 2 semaines. Là, il faudra qu'on refasse une émission La Grande Fouille, quand on avait caché des clés autour de la radio à l'extérieur tout. Vous étiez parti dans le jardin, toi t'étais en mode pieds nus chez les voisins, on n'avait rien compris et c'était juste dingue. Pour au final que on rend l'antenne 30 minutes en retard et sans avoir trouvé, je crois. Si vous aviez trouvé la clé au dernier moment et c'était juste complètement dingue. Donc voilà. En tout cas, c'était une très très belle émission et ça nous a valu notre plus gros record de la saison. Donc rien que pour ça, je vous dis merci. Sinon, une émission dehors, c'était cool aussi. Ah oui, quand on avait fait l'émission dehors, tiens, j'y avais pu penser. Pour moi, c'était la meilleure, je trouve. La meilleure, carrément. Ouais, pour moi, c'était ma préférée. Et puis après, c'était La Grande Fouille, justement. Ouais, La Grande Fouille. Bah voilà. Comme ça, c'est ton petit top 3 des émissions. Voilà. Et celle-ci est dans ton top 3, c'est la troisième au moins. Alors, on verra bien. On verra bien. Allez, on s'écoute tout de suite Dero Bailar à l'instant sur Willard FM. Voilà, c'était à l'instant un titre qui symbolise l'été à mon avis. Quand t'entends ça, t'as pas l'impression déjà qu'on est en vacances ? Moi j'entends ça toute l'année donc... Enfin je sais que t'es habillé comme si t'étais en vacances mais... Non, moi je trouve pas que ça symbolise l'été, je trouve que ça symbolise plus les festivals. Donc oui, indirectement l'été parce qu'en général c'est pendant le temps libre. Voilà, donc ça revient au même. Bon, ouais. Donc on est bon. Ça c'est fait. Allez, où on en était dans cette émission là, je suis complètement perdu moi. On devait appeler qui? Oui, on devait appeler des... Comment est-ce qu'elle s'appelait, bordel? On devait appeler des Antelme à l'antenne pour pouvoir leur souhaiter une très bonne fête. Et c'est ce que je vais tenter de faire dans cette émission. Il commence à faire noir ici hein. Ah ouais, il fait vraiment noir. Du coup je ne vois rien, mais c'est pas plus grave. Comme ça je ne vois pas Terrence. Je ris, c'est bien que je t'adore. Tu dis ça parce que je suis noir? Non, je dis ça parce que je suis jaloux. Le mec, on comprend pas. Allez, bon, le temps que je trouve un nouveau numéro, ça va être la galère. Ça va être la grosse galère. Donc oui, je vois, il y a toujours des chamallows, mais je n'ai pas le temps de les manger puisque si je les mange, il y a un blanc à l'antenne. Alors moi, je veux bien le manger. Ah, il en reste plus qu'un. Oui. Ah, en mode, t'as bouffé les deux autres. Oui. Et je t'aime pas. Oui. Ok. D'accord. C'est trop sympa, j'adore. La cassette, on donnera la réponse demain. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez envoyer vos réponses au +32 49 9 15 75 pour nous envoyer le titre de la chanson qui est à deviner en sachant que c'est +32 49 9 15 espace 60 espace 15. Comme ça, vous ne dites pas 75. Ils vont écrire espace. J'y ai pas pensé. Non, il y a des gens qui sont capables. Enfin, c'est pas bien grave. On en est où? Ouais. C'est pas plus mal, je peux vous en donner encore un. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Je suis un peu perdu au niveau de l'émission. En fait, j'ai perdu mon conducteur. Je vois que tu essayes de meubler là avec des petits jingles. Tu te dis, ouais, on va balancer des jingles. Non, mais c'est pas grave. Appelez-nous. On devait appeler les Anthelmes. T'avais mes 5 mots aussi à me faire deviner. Ah, mais enfin, je l'ai fait à l'auditeur, donc ça compte comme si. Au moment où je devinais. T'as envie, toi aussi? Oh, ouais. Bon, bah ok, y a pas de souci. Il y avait pas aussi l'objet du peuple? Non, l'objet du peuple, on le fait plus, ça. Non, oui. Non, c'est fini, ça, on le fait plus. Enfin, c'est sympa, mais je ne le fais pas tout le temps. Ce que je te propose de faire, c'est que pour qu'on ait un peu plus de temps d'ici la fin de l'émission, le titre que je suis obligé de passer avant la fin, on le passe maintenant. Angèle. On le passera juste après le générique de fin. Il me dit toujours ça. Ça finit toujours en ben on le passe pas. Non, si. Promis après, parce que de toute façon après j'en ai plus et c'est l'antenne qui reprend normalement. Donc voilà, je bidouille. T'inquiète. Ça marche. Y a moyen que ça se fasse. Ce que je te propose de faire, c'est que Corentin est toujours pas là. Corentin n'est pas là, mais tu veux qu'on l'appelle? Et 5 minutes avant. Bah ouais, 5 minutes avant, on veut lui passer un savon dans la gueule, tu vas voir. On est des gens trop sympas. Allez, c'est parti, on l'appelle. Corentin Stock, c'est parti, on est en direct. Voilà, je bascule à l'antenne. Est-ce que ça va répondre? Madame et amore mio. Madame et amore mio. Madame et amore. Allô? Oui, allô? T'en es où? J'en suis sur la route. Sur la route. Ouais. J'en suis à. J'ai fait 2 pas depuis mon canapé. Mais non, il est en voiture. Mais ouais, j'entends, il est en voiture. T'es peu près dans la ville où se trouve le studio là, au moins. Qu'est-ce qu'il y a? Allô. T'es peu près dans la ville où se trouve le studio là, au moins. Oui, je m'en rapproche en tout cas. Ah ouais, non, c'est mort pour aujourd'hui alors. Je te laisse dire ton mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Comment dis-tu? Voilà, ce sera comment dis-tu. Merci pour ce mot de la fin, Corentin. Ah d'accord, le mot de la fin. Ah bah, j'espère que vous avez passé une très bonne émission, une très bonne soirée. Enfin, c'est une phrase. Ça, je n'en doute pas de toute façon. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. À demain. À demain, bonne tu seras... Loulous. T'es là demain. Demain, on aime. Je vais essayer. Promis, hein. Ça devrait être faisable. Ok, ça va, je note. Terence, t'es là demain ou pas? Je sais pas. Demain, non. Bah, et au moins Corentin sera là, ce sera déjà ça. Allez, alors à demain, on se tient au courant, Corentin. Salut, passe une belle soirée, hein. Oui, toi aussi. Toujours sympa. Et ce qui me fait rire à chaque fois, c'est qu'il finit toujours ses appels en voix aiguë. Tu sais, c'est toujours. Ouais, allez, salut, à bientôt, salut. Il monte le ton comme ça, c'est trop marrant. Rotemplant. Quoi? Il me fait penser à Rotemplant. C'est qui Rotemplant? Ben, le chien, là, dans les BD. Ou alors à Gaston Lagaffe, tu sais, un peu flasque. Je suis pas loin, j'arrive. Il est pas mou, Corentin. Il a une grande dynamique, mais en lui. Mais oui, mais. Non, on l'adore, Corentin. Il prend même le médicament du soir tous les jours, quoi. Numéro 1 en anglais, c'est comment? Number 1. Effectivement, et c'est le nom de la nappe que là je me lance. Donc voilà, vous êtes dans l'émission qui est là pour vous chaque samedi en direct. Et enfin, même pas chaque samedi, du lundi au jeudi. Vous vous rendez compte la chance que vous avez du Jadoul en quintuple dose? Mais alors là, vous êtes des chanceux. Number 1 is a hard time. Synapson maintenant avec Souba sur l'antenne d'Hilar FM. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h sur Hilar FM. Alors, durant la musique, on a testé plein de numéros de téléphone, j'en ai 2 qui répondent. Enfin, j'en ai 2 qui sonnent déjà, c'est déjà pas mal. Mm-hmm. Il fait vraiment noir ici, par contre. Hein. Je peux pas allumer la lumière du studio? Ouais, pas de problème. Je te remercie. Voilà. Alors, je vais essayer d'en appeler un que j'ai testé. Ça sonne normalement. En principe, ça sonne. Va-t-on réussir à sauter? Bonne fête à un Nathelme. Nantelme, pardon, j'arriverai jamais à le dire. En plus, il s'appelle Bernard. Et en plus, il s'appelle Bernard. Allô? Allô, oui. Bonjour, je vous dérange pas? C'est qui est-ce là-bas? Nous sommes en direct à la radio, monsieur. Pardon? Nous sommes en direct à la radio, monsieur, en Belgique. Oui, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est pour vous souhaiter une bonne fête. C'est la fête de votre prénom, en fait. Oui, d'accord, merci, mais bon. Mais c'est juste ça, et on vous souhaite une belle soirée. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ben, de rien, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Il était pressé de raccrocher, mais au moins on a réussi à l'avoir. Mais c'est un Bernard, donc il est très gentil. Ouais, comme tous. Hein. C'est pas non, sûr, ça. Je suis le seul Bernard qui est gentil. C'est ça. On en appelle un dernier. Parce que je suis resté un petit peu... Quoi, tu veux boire mon coca, c'est ça? Oui. Bah alors vas-y, je t'en prie. Merci. Termine-le. On en a eu un sur la soirée, c'est déjà un miracle. En avoir deux, ce serait quand même fort étonnant. Mais si c'est en masqué. Ouais, bah ça évidemment, ça je peux pas démasquer le téléphone. Hein. Bon, bah. Tu retires la ficelle du masque. Hein. Ça c'est drôle, Terence. Merci. Ça c'est vachement c'est drôle. C'est de l'humour belge. Et donc voilà, vous savez que le Bernard qu'on a eu, il était du côté de Perpignan. Le mec il sait même pas boire proprement, il s'en est foutu partout. Ça va? Tu regardais dans ton décolleté, ça va? Ouais, ça va. C'était bizarre comme j'ai regardé quand même. Ouais. Tu t'es regardé comme si vraiment il y a quelque chose qui allait en sortir, enfin je sais pas. Ouais, j'avoue. Ah, ça a l'air d'aller en tout cas. Bon. Aimer 5 mots. Oui. On en refait ou pas? Mais non, il est 22h. Moi je t'en refais en vitesse. Non, non, mais non, on n'a pas le temps, je rends l'antenne là. 5 mots, allez. Mais non! C'est une minute. Mais non! Tu rends 20h une. Mais grouille ton cul! Pardon. Ah, allez, dépêche-toi, grouille ton. Il faut essayer de poli ici. Donc, ça va? Que de ouais, l'amour ici va, dans cette émission. Bon, bah, je vais déjà meubler sur le temps que. Hop, là, il y a le jingle. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Prêt? Ouais. Alors, on l'a sur le sein. C'est ce qui permet au bébé de donner à manger. Un téton, ok. On a, ça a deux yeux, deux oreilles, voilà, c'est une tête. Un bébé. Non, la tête, c'est quoi? Un visage. Tu as un beau, voilà, super. Ce qu'on donne quand on aime quelqu'un, on donne de... L'amour. Voilà. Le contraire de brun. Blanc. Non. Pour les cheveux. Blond. Voilà. Et Snapchat, Instagram et... Facebook. Voilà. Oh, me dis pas que j'ai réussi le jeu des 5 mots. Si. Eh ben finalement, je trouve que ça valait la peine. Ça valait la peine de le faire. Tiens, bizarrement, je trouve que. C'est la première fois que tu gagnes au jeu des 5 mots? Non, c'est pas la première fois. Hein? On fait quand même l'émission depuis septembre, ce serait malheureux. Je sais pas. Moi, depuis septembre, j'ai toujours pas gagné de. Super content. Il t'en faut peu, toi. Il m'en faut peu, mais écoute, si ça peut me permettre de mettre une musique de fiesta, moi, écoute, évidemment qu'il m'en faut peu. Attends, pour te faire. Attends, moi, si je peux rentabiliser du Patrick Sébastien, tu sais, moi, c'est bon. Hein. Attends, je pense que j'en ai même un là. Jusqu'au petit jour, on ira faire. On va danser le vélo vert. Tous à poil. Pardon, ça va peut-être un peu loin. Allez, on va rendre l'antenne. Là, tu m'autorises à le faire ou il y a encore des trucs à faire? Ouais, vas-y, rends l'antenne. Je peux. D'accord. Je suis un petit peu. Je veux pas les quitter. Ah, en fait. Ah, je rigole, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y. Hop. Donc, t'aimes tellement les auditeurs que t'as pas envie de les quitter, c'est ça? Mais je le connais pas. Non, je rigole. Oh, ça va. Partez super pas. Super sympa ça. Partez pas. C'est... Genre, les mecs, ils vont faire bon, bah salut, je me casse. C'était sympa ton émission, mais je me barre là. Le mec, tu vis dans un rêve. C'est ça qui est très marrant. Allez, en tout cas, je te remercie. Tu m'as fait vivre une très belle émission aujourd'hui. Et je m'attendais, et toi aussi. Je m'attendais sérieusement à beaucoup plus pire. Ouais, avec ma fatigue, mais là c'était le contraire. En fait, j'étais trop speed. T'étais trop speed vers la fin. Au début, il a fallu mais ramer pour essayer que tu te mettes dedans. Mais là, ça va. On va faire la photo quand même pour vous montrer l'accoutrement de Terence Bernard dans quelques instants. Le mot de la fin, Terence. Sisteron et Polanchon. On n'est pas dans le Camoulox, hein. Ah, tu l'as regardé finalement. Je t'avais dit d'aller voir. T'as regardé? Mais non, j'ai encodé des nouveaux Camoulox en fait sur Hilar FM. Du coup, j'ai écouté. Sérieux? Mais voilà. Le vrai mot de la fin, le seul qui restera dans les mémoires des auditeurs jusqu'à la prochaine fois que tu reviennes dans cette émission. C'est notre projet. Merci beaucoup Terence, c'était... Non, amour, je vous aime. Ça c'est beau. Allez, Claire Chazal, le mot de la fin de votre côté. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Et comme chaque soir, je vous rappelle que... La vie est belle, aussi belle que toi. Et c'est bien vrai, car nous, on se retrouve demain en direct sur cette antenne pour encore plein de folies, plein d'actu. Ça va être vraiment hilarant. On se retrouve dans 24 heures sur cette antenne. Merci d'être là. What's the sense in sharing this one and only life?